Cocon Millennial vous est présenté par... Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Tu les stiffes, les bâtons de la mort. Tu te les fous partout, les bâtons de la mort. J'aime ça, les bâtons de la mort. Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast qui a quitté l'Ordre Jedi. Je suis Grushkov et je suis accompagné de Tuki. Salut. Adrien. Salut. Et Matt. Salut. Cette semaine, on attaque avec un petit peu de retard, trois fois rien, hein, la septième et ultime saison de la série The Clone Wars. Débutée en 2008 avec un film d'animation qui était en fait trois épisodes collés ensemble, la série avait été arrêtée suite au rachat de Lucasfilm par Disney au grand dam de nombre de fans, qui l'ont bien fait savoir. Mais finalement, une dernière saison a fini par voir le jour et est sortie sur Disney Plus cette année, apportant enfin une conclusion à cette série très aimée des fans. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte The Clone Wars, mon cher Adrien ? Eh bien, The Clone Wars, ça raconte tout simplement ce qui se passe du côté de la République entre... Eh bien, l'épisode 2, donc Attack of the Clones, et l'épisode 3, Revenge of the Sith, et donc du côté de la République, comme je dis, où on y suit, eh bien, Jedi, mais également Clone Troopers, hein, pendant la guerre des clones, la fameuse guerre noire, hein, comme dit Obi-Wan dans l'épisode 4. Évidemment, la série ne s'attarde pas sur tous les clones ni tous les Jedi, on y suit principalement les personnages de Ahsoka Tano, donc qui est l'apprenti d'Anakin Skywalker, mais également Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Et du côté des clones, on y suit des personnages de Rex, Cody et leurs amis différents clones qui ont tous des noms un peu chelous. Cody, d'ailleurs, c'est le gros enfoiré qui tue la bébête d'Obi-Wan. Il y a beaucoup de gros enfoirés si tu pars par là, mais c'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir. Je sais. Ouais, mais la bébête, elle avait rien fait. Ouais, c'est encore moins sa faute à la bébête, hein. Moi, je voulais juste dire quand même qu'on, on a aucun respect. On fait un épisode sur la saison 7 alors qu'on a rien fait sur les précédentes. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est canon, hein. C'est Star Wars, hein. Il a commencé par l'épisode 4, hein, George Lucas. Donc, pourquoi pas nous? Voilà, ça, c'est un hommage. Dites-vous que c'est un hommage. Et justement, Adrien, tu as parlé d'un personnage qui s'appelle Ahsoka. Ahsoka, qui c'est? Tu as dit que c'était l'apprenti d'Anakin. Je pense que tout le monde sait qui c'est, mais qu'est-ce qui lui est arrivé donc à Ahsoka avant cette saison 7? C'est une Togruta. Ahsoka, déjà, c'est une Togruta, oui. Il me semble que c'est dans la saison 5 que... C'est ça, c'est dans la saison 5? Oui. Qu'elle quittait l'Ordre Jedi parce que ben, c'est des gros connards. Faut dire qu'on l'accuse de quelque chose et elle prend cher, elle s'évade, elle a pas envie non plus de se faire arrêter, normal quand t'as rien fait. Et puis à la fin, ils sont quand même là en mode ah bah désolé, gros bisous, on s'est gouré, c'est bon, tu peux revenir si tu veux. On rigolait, viens, on revient. La meuf, elle regarde, elle en fait un peu, bah, on m'a craché à la gueule pendant, je sais pas, trois semaines déjà. C'est bon, je me casse, je reste pas, quoi. Enfin. Mais c'est les mecs qui supportaient vraiment pas d'avoir une nana couvrir sa gueule. C'est non, mais les autres, on les entend pas, on les voit pas. Alors qu'est-ce que tu fous? Ils ont chié sur la tête, genre, ah, une traîtresse, machin et tout. Et après, ah bah non, désolé, c'est bon, tu peux revenir. Non. Les mecs qui la traitent de traîtresse ne sont pas capables de voir que Palpatine, c'est Sidious, tu sais. Genre. Mais peut-être plus pour expliquer un peu aux gens qui connaîtraient pas beaucoup Ahsoka. Ahsoka, donc, elle a été assignée, je crois, par Yoda, hein, à Anakin Skywalker. Donc, une fois qu'Anakin devient chevalier Jedi, qui, hein, il me semble. C'est déjà pas banal, il me semble, d'avoir un Padawan quand tu es chevalier. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que Anakin, il est pas maître. C'est un peu pour ça qu'il fait son ouin-ouin dans l'épisode 3. Parce qu'il dit, oh, je suis pas maître Jedi, et ils me mettent au conseil. Alors, il faut savoir que Anakin, il a tout fait, hein. Il a été vraiment padawan. Ensuite, il a été chevalier. Il a été littéralement le maître de quelqu'un, mais sans accéder au statut de maître Jedi officiel. À mon avis, c'est genre, vous savez, comme les stagiaires qui sont pris en stage, mais qui n'ont pas, qui vraiment n'ont pas de salaire. Enfin, en fait, non, c'est le mec qui est en CDD renouvelable depuis 3 ans. Ouais, c'est ça. Il est vacataire, tu sais. Ils lui font pas ce qu'il, il attend toujours son CDI. À chaque fois, ils lui font, ouais, non, tu comprends, c'est chaud en ce moment. T'inquiète pas, dans 3 ans, c'est longue, on n'a pas le budget. Ah, c'est ça. Et donc, Ahsoka, ça a été un petit peu aussi une manière de montrer, ben, la progression d'Anakin dans les films, hein, parce que c'est vrai que quand on quitte à la fin du 2, c'est pas du tout le même au début du 3. Ouais. Donc voilà, Ahsoka, donc c'est une jeune adolescente qui est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur Ahsoka, et je militerai pour qu'on fasse cela, je pense qu'elle était aussi là pour, entre guillemets, mettre un peu de plomb dans la tête d'Anakin. Lui donner un petit peu de responsabilité, de l'assagir un petit peu, même si pour le coup, ces petites déformations professionnelles ont un petit peu bavé sur Ahsoka, plus qu'autre chose, mais c'était un petit peu voilà dans l'idée de le responsabiliser aussi quelque part, lui donner un petit peu de responsabilité, de l'occuper un petit peu. Il nous fait chier, on a tout le temps les places, alors lui. Qu'est-ce qui est chiant, occupe-toi de la gamine là. Mais au final, pour la construction du personnage d'Anakin, c'est très réussi, et en plus, elle nous a donné un super personnage derrière. Qui était détesté d'ailleurs quand elle a commencé. Tout début, dis pas ça, les mecs ils vont venir en mode c'est pas vrai, on a toujours aimé. Ouais, les gars ils vont venir, mais je te jure, ils font vraiment ça. Alors mais que on se souvient, même moi qui regardais pas la série à l'époque, je savais que les mecs la détestaient. Je veux dire, l'actrice, il me semble que Ashley Eckstein, qui joue à Ahsoka Tano, l'a dit elle-même que ouais, c'était dur au début parce que tout le monde crachait sur le personnage. Après, comment tu peux cracher sur Ahsoka? Non, c'est juste de la misogynie, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. C'est de la misogynie, et puis voilà, c'est une fille à Jedi. Pourquoi on crache sur Rose? Pourquoi on crache sur Rey? Pourquoi on crache sur Holdo? Bizarre, hein? Toujours les mêmes. Il y a sûrement un point commun. Je vois pas lequel. Mais franchement, non plus. Au bout de 5 saisons de Clone Wars et de Rebels, les mecs ils font, ah bah non, mais on adore Ahsoka. Bah ouais, forcément, vous préférez le personnage qui est là depuis 2008 que le personnage qui vient d'arriver. C'est normal. Bon, pas pour défendre tous ces vieux schlags, incels là, c'est pas le but, hein, non plus, mais, Ahsoka, c'est un personnage qui a grandi en même temps que la série, qui a mûri en même temps que la série, en même temps que les téléspectateurs à qui s'adressait la série à la base. Je le dis toujours, ça, pour toutes les séries animées Star Wars, je le dis, mais c'est le cas. Et c'est vraiment un personnage qui commence enfant. À la quoi? À la 10 ans, non? Je sais pas, à la 12 ans. Quand ils lui mettent dans les pattes, c'est un truc dans le genre. Pour moi, il a 14 ans. Au début, c'est, enfin, il s'appelle Snips, la chippie. C'est vrai qu'elle est un petit peu emmerdeuse. Elle a ce côté agaçant, on dirait qu'ils ont voulu donner un gimmick un petit peu agaçant dès le début, mais c'est quelque chose qui marche, je trouve, au final, parce que du coup, elle a ce côté un petit peu, comment dire, je cherche le mot, c'est pas insolent, mais quelque chose dans ce genre-là. Chippy, c'est propre bien, à Anakin, mais vraiment impertinent, elle est impertinente, comme Anakin, et du coup, il y a une relation qui se fait entre les deux, lui est impertinent vis-à-vis de l'ordre Jedi, vis-à-vis d'Obi-Wan, et elle a fait pareil avec lui, et peut-être que le mec il se dit, ok, d'accord, ok, bon, ok, je déconne, des fois, ça m'arrive, ouais, mais il y a cette relation qui se crée, et je pense qu'il y a des mecs qui n'ont pas digéré ça, et forcément, quand le personnage mûrit, grandit, change aussi d'un peu de caractère, forcément, puis avec le temps, tu l'acceptes plus facilement, quoi. Et du coup, Ahsoka, elle avait quitté les Jedi, et cette saison 7, c'est la saison où elle a fait son grand retour, mais c'est pas la seule chose qui a changé dans la saison 7, parce que c'était plus le même budget, hein, clairement ils avaient plus d'argent que sur les dernières saisons. Bon, je crois qu'ils ont eu plus d'argent pour faire là les 12 épisodes de la saison 7 que pour faire les deux saisons d'avant. C'est possible. Et puis même les technologies ont pas mal évolué aussi, quoi. Voilà. Et ils ont complètement en plus changé de style visuel. C'est plus les visages des personnages sont plus les mêmes. Ils ont même profité pour changer les tenues d'Anakin et Obi-Wan. Ils ont pas changé Padmé. Du coup, elle fait vraiment bizarre comparée aux autres personnages. elle fait un peu trop lisse. C'est vrai que tous les autres, alors je sais vraiment pas s'ils ont, je crois qu'ils ont tout remodélisé ou en tout cas plus finement. clairement. Mais le manque de détails, en fait, voilà, comme tu dis, elle fait trop lisse. On dirait qu'elle a de l'œdème, tu sais, t'as juste son visage tout lisse. C'est parce qu'elle est enceinte. Sa bouche qui ressort vachement et qui est presque tout le temps un petit peu entrouverte. Son nez et ses yeux énormes et beaucoup trop grands par rapport à son visage. Et, du coup, ça peut passer à Ahsoka aussi, elle a des yeux très grands. Mais comparé quand elle est face à Anakin, qui a des proportions plus raisonnables, ça fait vraiment bizarre. Ils ont mis tout le budget dans Ahsoka et Maul, c'est pas de leur faute. Ils avaient plus de pour faire les Oscars. On les comprend. Ce qui est rigolo, c'est que justement, je pensais à ces deux-là, et ces deux-là, ils ont l'air, en fait, d'être à mi-chemin entre leur apparence de Clone Wars et leur apparence de Rebels. J'y viendrai après là-dessus, mais moi ce que j'aime bien par contre, c'est que voilà, nouveau style visuel comme tu dis, mais on retrouve nos marques clairement. La patte Clone Wars est là, c'est pas la patte Rebels qui sont très différentes, c'est vraiment la patte Clone Wars. Les armures des clones, elles reflètent toujours pas la lumière, c'est de ça change pas. Moi ça me dérange pas. Ça. J'ai juste effectivement. Mais moi je trouve ça bizarre parce que quand je passe de Rebels où j'adore la texture des armures des Stormtroopers et que je repasse à Clone Wars, ça me fait toujours bizarre. C'est pas pareil parce que les Stormtroopers ils sont vraiment en low budget et du coup c'est du plastique tout pourri qui bien brillant, tu vois, genre lunettes de toilette. Et puis c'est pour ça que c'est pas résistant et tout. Alors que les autres ça devait être un truc un peu plus résistant. Mais du coup, surtout ça pas, dans Rebels les armures des Stormtroopers c'est pas comme si ça avait servi des masses encore. Tu regardes Clone Wars, bah les mecs ils sont en pleine guerre, quoi. Ils ont pas le temps de retaper leurs armures, ils vont pas mettre un petit coup de vernis entre deux batailles, quoi. Ils ont des choses à foutre. Je peux expliquer un truc. J'ai oublié de parler quand j'ai présenté la série que j'ai oublié de présenter, lorsque j'ai parlé de la série, les méchants, les antagonistes, parce que c'est vrai que Darth Maul, c'est un personnage principal de, ou en tout cas, un des personnages les plus importants, principaux d'ailleurs, de Phantom Menace. Eh bien, il faut savoir que c'est surtout un personnage de The Clone Wars, parce qu'il revient, dans la série. Ouais. Et en fait, si vous le voyez dans Solo, eh bien, ça fait directement écho à The Clone Wars et à Star Wars Rebels. Donc encore une fois, c'est alors vraiment toujours une volonté de tout rabibocher. Là, on va se mettre justement à parler des épisodes de cette nouvelle saison. Donc attention spoiler si vous avez pas encore regardé. Il y a des gens qui n'ont pas encore regardé. De base, je pense que si vous avez pas vu la saison 7, vous allez pas nous écouter. Ça serait un peu bête. Ouais, mais gardez-le au chaud, ça va être bien. Et du coup, la nouvelle saison, en gros, elle est constituée de trois arcs, en fait, de quatre épisodes. C'est ça. Pour un total de 12. Et le premier arc, c'est The Bad Batch, qui fait écho à des épisodes, justement, où, dans lesquels un des clones qui s'appelait Echo était mort. C'est magnifique. Hein. Waouh, J.J. Abrams serait fier. c'est la rime à la J.J. Abrams, où en fait c'est littéralement le même mot. C'est la rime giga millionnaire, tu sais, tellement c'est une rime riche. C'est la rime Bezos. Du coup, The Bad Batch, c'est des clones giga clichés qui ont des explosions dans leur dos et tout, en mode trop badass. Même si c'est plus ridicule qu'autre chose, mais je trouve ça un peu drôle. Qui viennent en aide à Rex justement et Cody pour une mission qui est très périlleuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet arc-là, les deux Choubidous? Alors je me souviens plus trop pourquoi comment a été capturé le clone qu'ils vont aller sauver. Je sais plus si tu t'en souviens. La citadelle, oui, mais la citadelle c'était je crois que c'était un des épisodes avec Tarkin, je crois, il me semble. Alors, oui, mais je crois que savoir que moi j'ai pas revu la série. Ouais, non plus ça fait longtemps que j'ai pas revu la série à part la dernière saison. Ouais. Depuis 5 ans en fait. Donc moi Mais toujours il est-il vite fait en fait que Rex avait dû le laisser derrière et qu'il s'était fait voilà toujours ouais, est-il en pleine campagne je ne sais plus sur quelle planète que vous voyez comme on a bien préparé cet épisode mais c'est en pleine campagne très difficile puisqu'ils se rendent compte qu'en face la confédération des systèmes indépendants les séparatistes ils arrivent toujours à avoir un coup d'avance et à leur faire à l'envers. C'est un petit peu la haise du côté de la République, c'est un peu le gros malaise. Et ils se rendent compte que quand même, ils connaissent vachement bien les techniques de la République. Et je ne sais plus comment ils parviennent à découvrir cela. Je crois que c'est avec une communication interceptée. Ils interceptent des trucs et ils découvrent que c'est une voix humaine et voilà, voix de clone qui plus est et qui dit son matricule en plus. Voilà il donne son matricule et en fait c'était Echo. Voilà, donc un ancien Art Trooper, je crois, qui faisait déjà partie de du squad de Rex. Ouais mais d'ailleurs Rex avait avant qu'il découvre ça, Rex avait le pressentiment que Echo était vivant et que les séparatistes tenaient leur stratégie de là parce que c'était des stratégies que Rex et Echo avaient inventées. Et du coup, il disait ça, on dirait vraiment trop le type d'idée que Echo avait. Et c'est pour ça qu'ils se posent la question de est-ce que le gars serait en fait pas mort et qu'il serait pas en train de leur donner tout l'intel. Et disons tout cet arc, alors on a premier épisode où justement ça les amène à découvrir qu'Echo est toujours en vie, et les trois épisodes suivants à la fin du deuxième qu'il découvre. C'est à la fin du deuxième, tu es sûr? C'est à la fin du deuxième qu'il le retrouve, en tout cas. Qu'il le retrouve, oui, parce qu'en plus, en fait, la fin, c'est le sauvetage, hein, basiquement. Les trois autres épisodes, c'est on va là où il se trouve, on commence à maraver les droïdes sur place, et ensuite on le libère, et ensuite on rentre à la maison. Basiquement, c'est à peu près ça. Je résume très vite, hein, on n'est pas là pour vous raconter tous les épisodes, mais dans cette tâche, Rex est aidé effectivement par le Bad Batch. des mecs trop badass, quoi. C'est les clones. Alors, c'est les clones qui sont censés être tous un petit peu mal foutus. C'est un peu les déchets des Kaminoans, c'est des mecs. Bah, ça s'est mal passé quelque part à un moment donné, et il y a toujours un truc qui a vrillé lors de leur conception, si on peut dire. Ça. Ouais, mais eux, c'est à leur avantage. Ils ont tous genre des espèces de super pouvoirs, tu vois. T'as Rambo qui sent les trucs électromagnétiques. C'est ça. Contrairement à 99, parce qu'en fait, le Bad Batch s'appelle, je crois, l'unité 99 ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le titre. C'est et ça, 99. C'est en hommage à un autre épisode justement de Clone Wars où on suit un clone qui lui a pas eu de bol, lui aussi il est né avec des malformations, mais pour le coup bah il a à moitié bossu, il ressemble à rien et il est juste bon à mais nettoyer oui, c'est les vrai, casiers c'était avec les vestiaires de l'escadron Domino, c'est ça, sur Camino. Et ben bah, en fait cette unité de gros balèze, ben elle est nommée en hommage à ce personnage, ce qui est plutôt cool finalement. Et comment vous résumez le Bad Batch, en fait c'est vous prenez les personnages de Team Fortress 2, vous les groupez par deux, ouais, et vous avez cette team, ils sont quatre. On va avoir, alors j'ai pas tous les noms, mais Wrecker, c'est un croisement entre le Soldier et puis le Heavy de Team Fortress 2. Hein. Clairement, c'est le gros balèze qui casse tout, qui a une force surhumaine, qui veut tout faire péter. Et ensuite, on a Crosshair, c'est le sniper. Avec la cible dessinée autour de l'œil, le sniper, voilà, le mec qui s'appelle Viseur, enfin le mec il s'appelle Réticule, non, visé, il laisse ça son. C'est comment il s'appelle? C'est Colin Farrell dans Daredevil, oui, tu sais. Oui, c'est ça. Lui, il fait bullseye. Ils sont très clichés. Et puis ils ont chacun des attitudes très clichés. Pareil, on a aussi le Tekos qui s'appelle le Tech. Je crois, waouh. Qui est plus petit, plus mince que les autres, voilà. Tu vois qu'il est tout frêle. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Lui, c'est un peu le croisement entre l'ingénieur et le médic. Et après ces trois-là, on en a un qui lui sort pas Team Fortress 2, comme tu disais, c'est Rambo. C'est le chef du squad, le mec il a un bandeau rouge dans les cheveux avec un mulet. Il a un mulet et un c'est bandeau. Rambo. Rouge. C'est juste c'est vraiment Rambo, hein. Putain, c'est Rambo, c'est hilarant. En plus, ouais. Je crois qu'ils ont fait une voix un petit peu plus grave. C'est Hunter qui s'appelle. Hunter, ouais. Je crois qu'ils ont fait une voix un petit peu plus grave. Oui. Moi vraiment, j'avais des vibes Team Fortress et Broforce. Pour ça, moi ça me faisait des moi je voulais les présenter en disant c'est les Expandables, tu sais. Mais du coup c'est cliché, mais il y a vraiment une vibe un peu Expandables comme ça tout le long des épisodes où c'est bourrin, comme tu dis, il y a des droïdes qui explosent derrière eux quand eux ils marchent presque au ralenti devant, ils se retournent pas besoin de se retourner quand t'as un mec aussi fort. T'as Grushkov qui avait souligné un truc qui était intéressant, c'est que par contre ce qui est intéressant de voir avec eux, c'est que ils travaillent super bien en équipe, c'est-à-dire que ils sont ultra coordonnés et vraiment leurs actions sont homogènes, alors que quand dans la série, quand tu vois les clones agir, il y a souvent des prises de tête, des trucs d'ego, des trucs de non, enfin ils sont un peu désorganisés, je trouve. Alors que là, le Bad Batch, ça fait vraiment, dès qu'ils se mettent à faire leur truc, ça fait vraiment une team très coordonnée, avec chacun sait ce qu'il a à faire. Quand l'un passe une instruction à l'autre, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, donc on a ces quatre clichés, du coup, pour le vraiment tirer des films d'action et puis même de certains jeux vidéo, même. Enfin, c'est même pas du jeu vidéo, mais c'est la culture générale. On a forcément ce genre de cliché qui revient. Ça marche bien, c'est rigolo, c'est bourrin, mais à côté de ça, au niveau du design, je trouve qu'ils ont réussi en partant du visage d'un clone de base, ils ont réussi à faire des légères modifications. Des variantes. On retombe toujours un peu dessus, mais on a vraiment des personnages qui se distinguent. C'est assez intéressant. C'est plutôt réussi, je trouve. Et comme tu disais, alors ils ont une énorme cohésion entre eux. Par contre, et c'est justement, je pense, c'est parce qu'ils se sentent à part des autres, pas forcément parce qu'ils sont beaucoup plus balèzes, même si je pense qu'ils le pensent vraiment, mais ils appellent les autres clones les regulars, les regs. Ouais, les regs. les bouffons standards, quoi. Il y a vraiment un mépris de ce côté des autres clones. Je pense qu'ils se sentent ils se sentent clairement à part des clones. Et juste avec Rex, où au début, ils le chambrent un peu comme ça, ils lui envoient des fions. Et après, ils se rendent compte que le mec, quand même, il sait un petit peu ce qu'il fait. Et ils finissent à l'accepter beaucoup mieux. Mais ça, c'était plutôt intéressant, quoi. En fait, c'est parce que les clones, c'est tous des Evoli. Et puis, t'as ce groupe-là, c'est les évolutions. Genre, t'as Pivoli et tout. Plus sérieusement, j'ai bien aimé cet arc. Parce que, justement, la Bad Batch, en fait, à la base, c'est vraiment des mutations génétiques un peu foireuses. Et surtout, c'est des gens qui n'auraient pas dû être là. Et c'est cool de voir, en fait, des personnes, clairement, sur le papier, moi, j'y ai vu des handicapés, genre, qui vraiment n'avaient pas, où il fallait tout ça. Et finalement, ça leur donne une force, en fait. Et ils sont vraiment, comme tu disais, genre, hyper coordonnés. Et c'est cool de voir, en fait, que, malgré le fait qu'ils soient différents des autres, en fait, ils mettent la race à tout le monde, quoi. Ils sont vraiment super forts et... Après, ça aurait pu être cool de voir ça, enfin non, vas-y. On leur donne quand même plein d'attributs, enfin je voulais pas dire viril, mais c'est des attributs de puissance, quoi. C'est pas des, comme dit, c'est pas les défauts qu'ils ont, on n'est pas comme dans le cas de 99 qui lui est vraiment pour le coup ils l'auront pas aidé, ils l'auront pas gâté là. Oh zut, on a foiré ce clone, il dispose d'une force surhumaine. Ouais, c'est ça. Putain, c'est pas de bol, quoi. Il devrait rater plus souvent. Ça aurait été intéressant d'aller justement dans le sens inverse, quoi, d'essayer de leur donner des vrais défauts, enfin, pas des défauts, mais justement des handicaps, même des légers handicaps, et de montrer que, ça leur donne de la force, justement, quoi. Ouais, parce qu'ils doivent contourner ce handicap, et du coup, ils ont une autre vision, une autre façon de faire que les gens sans handicap verraient pas, parce qu'ils ont pas dû trouver des solutions pour... Le seul qui rentre un peu dans cette case, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez établi maintenant, c'est le tech, hein, c'est le technicien, moitié technicien, moitié, enfin, un télo de service. Alors, ça, c'est vu et revu que, les intellos, les geeks et tout, ils peuvent servir, ils sont forts aussi, mais c'est le seul qui n'est pas aussi balèze à la Maraf que les autres, quoi. Alors par contre, Tech, vraiment, c'est pas dit, hein, mais tous les soirs, il est sur Reddit à insulter les minorités. Ah oui, il dégage ce genre de vibe, ouais. Alors que c'est le mec qui sert d'interprète tout le long des derniers épisodes avec la peuplade locale, là. Vous osez dire ça? Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Genre, lui, il traduit et tout, il leur parle dans leur langue. Ça se trouve, il les insulte, on sait pas. Hein. Pendant que les autres, ils font aucun effort, je veux dire. Ouais, mais il fait ça parce que ça leur sert. Et parce qu'il peut se montrer intelligent. Moi, je pense que vous en faites partie de ces gens qui utilisent intello comme une insulte. C'est de votre faute si le monde, il est dans l'état dans lequel il est maintenant. Moi, je me suis fait traiter d'intello pendant toutes mes années collège, alors s'il te plaît, respecte. Ouais, pareil. Et on n'aurait pas, genre, 1000 de QI à nous quatre, ici? Ouais, c'est ça. On est un petit gros cerveau. Tu sais, c'est comme c'est ça. C'est... Bah écoute, j'ai fait un test sur Facebook il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes et je suis à 512. Moi, j'ai compris tout Rick et Morty, donc s'il vous plaît. Attendez, Pickle Rick, c'est tellement, mais tellement génial. Vous pouvez pas comprendre, vous, avec vos petits cerveaux de... mais en plus, vous avez des petites bites, hein, si vous comprenez pas. C'est moi, j'ai un jeu de... J'ai téléchargé un jeu sur mon téléphone qui est un jeu avec plein de types de puzzles, de casse-tête et tout. Et il y avait des trucs où il y avait un niveau dur, extra dur, impossible et king, et je les ai tous finis, voilà. Ah, ça veut tout dire. Putain. Mais c'est marrant que tu parles de Pickle Wishkov, parce que finalement, bah, quand il retrouve Echo, il est un peu dans cet état-là, quand même. C'est... Ah oui, Pickle Echo. Echo, en fait, il nous fait une Snoke. il est dans son bocal à cornichon. La différence, c'est que lui, il sert encore, parce qu'il est câblé de partout, et justement, il sert un peu d'IA, d'IA aux séparatistes. Mais fort heureusement, le Bad Batch est là pour le tirer d'affaire avec Rex. Je crois qu'ils sont pas tout seuls, je crois, parce qu'ils ont pas Anakin avec eux. Si, ils ont Anakin. C'est Anakin qui est ça m'a, le truc dans lequel il est, Echo, ça m'a fait penser à la, quand Kanan et Ezra vont essayer de sauver la, une Jedi Lumina. Que Kanan connaissait, ouais, et qui est dans cette une espèce de stase comme ça. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ça m'a fait plutôt penser au sarcophage dans lequel ils ont mis Maul. À la fin de la même saison, aussi, plutôt. Ouais. On dirait que c'est deux séries qui ont été faites par... par des gens qui étaient fans des femmes, des dames de fer. Ouais, c'est clair. Moi, une vraie question, par contre, c'est pourquoi ils se sont fait chier à donner des membres cybernétiques à Echo alors qu'ils leur servaient juste de d'IA, en fait. Je te l'ai expliqué, c'est parce que leur truc, c'était un espèce de sarcophage debout, et du coup, il tenait pas, donc ils ont dû lui rajouter des gens pour qu'il puisse tenir dans la position. Peut-être que c'était vraiment des expériences, non? Je sais pas. Il avait pas juste un bras interface, un petit peu comme les droïdes. Non, il a deux jambes en métal. Les jambes aussi? Ouais. Bah oui, on dirait clairement qu'il a des jambes. Mais vous pensez pas qu'ils allaient le porter jusque là pour le foutre sur le machin? Fallait bien qu'ils se démerdent tout ça, à un moment donné. Ouais, c'est peut-être ça. Oui, mais pas inhumain. Ok. Non, mais ils peuvent déplacer des trucs sans les porter. Enfin, vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est Star Wars. Toujours est-il que, voilà, enfin, de mémoire, cet arc-là apporte pas énormément de choses au final. Mais y a pas l'autre connard qui meurt là, justement, quand on parlait des antagonistes. C'est pas enfin le moment où mais tu sais, les connards, il y a la l'araignée meurt. Si, voilà, alors, le connard, et l'amiral, comment ça s'appelle? Treyarch, je crois, je ne sais plus. L'amiral Tarantule. Ouais. On va l'appeler comme ça, amiral Tarantule. Désolé. Ça lui va très bien, je trouve. Trench, amiral ouais. Trench. Moi je l'aimais bien parce qu'il avait ce côté un petit peu gros méchant, plus original, propre à la série, c'était assez cool. Non, mais je l'aimais vraiment. C'est littéralement bien. Une araignée, forcément que c'est un gros méchant. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu cliché, mais bon. Je trouve qu'il a une bonne gueule et puis il était rigolo un peu dans son rôle un peu cliché, c'était cool. Et du coup, là, c'est la fin pour lui. C'est fini. Et oui. Mais par contre, ce qu'on note, c'est qu'Anakin le dégomme un peu de sang-froid. Déjà, hein. C'est pas la première fois, justement, qu'il le fait, hein, en plus. Oui. Anakin, mais c'est toujours bien de le montrer, enfin, de le rappeler. Parce que, ce qu'on n'a pas dit, et on va y venir après, mais ces derniers épisodes de Clone Wars, se synchronisent avec l'épisode 3. Ouais. Surtout le dernier arc, et donc c'est important de montrer qu'Anakin il commence doucement à virer alt-right, hein. ça devient de plus en plus clair. Tu sais, après avoir massacré un village, y compris les enfants et tout, il commence tout juste là à virer. Voilà, mais c'est toujours bon de rappeler qu'il est pas, c'est pas un gentil non plus, quoi. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans l'épisode où t'as Rex et Anakin qui parlent à Rambo et puis qui lui font... t'as Anakin qui fait « Bon, Rex, il faut qu'on fasse le truc, là. » Et puis t'as Rex qui est genre « Quoi ? Mais si, tu sais très bien de quoi je parle. Non, mais si, là, il faut qu'on le fasse. » Et puis t'as l'autre en face... Clairement, ils étaient en train d'aller sucer, les mecs, en fait. Hein. T'as l'autre en face qui est trop gênée. On y a vraiment tous pensé, hein, c'est obligé. Mais grave, moi je me suis vraiment en train de me dire « Mais qu'est-ce qu'ils vont... ils vont ken derrière les caisses. » Moi, je me suis dit... Enfin, la baise. Et en fait non, c'est Anakin qui s'enferme dans les quartiers de Rex avec son casque pour discuter avec Padmé. Et du coup, c'est trop drôle parce que t'as Obi-Wan qui arrive, qui demande à Rex pourquoi t'es devant en train de faire le gay alors qu'Anakin est tout seul à l'intérieur. Pourquoi tu fais le gay? Et puis du coup après t'as Anakin qui sort et puis ils font genre ouais c'est bon on se casse, la mission est approuvée, on s'en fout de ce que le conseil a dit. Et puis t'as Obi-Wan juste comme ça, tu sais, le mec il a toujours un micro dans sa poche prêt et puis il fait en fait j'espère que t'as dit à Padmé que je lui passais le bonjour. Boum. Genre du coup le mec pendant tout le film après il pense pas qu'il peut y avoir des soucis avec Padmé. Ouais, il est un peu uptight, hein, Obi-Wan. Écoute, Obi-Wan, il a beaucoup de choses à gérer. Faut pas y en vouloir. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais son chéri, mais je pense surtout qu'il s'en branle, en fait. Je crois que c'est quelque chose qui le dérangeait pas des masses. Non, mais il a jamais pensé que les soucis d'Anakin pouvaient avoir un lien avec ça et que il aurait pu lui proposer son aide. Et, écoute, en même temps, quand on est aussi porté sur la boisson que lui, je pense qu'on a d'autres problèmes à gérer que ses potes. Non, mais il va voir Dexter. Ça, faudra qu'on en parle un jour de ça. Obi-Wan, il picole tout le temps. Je suis navré. Un jour, je suis désolé, mais on fera un épisode sur Dexter et Matt Riggs. mais j'ai l'impression que les Jedi, c'est surtout, tu vois, les mecs, si tu leur dis que, tu sais, c'est les gens qui te font, salut, ça va? Et si tu commences à leur dire, non, ça va pas, ils sont genre, oh merde, moi, je demande ça juste, par politesse, tu vois. Oh, tu sais, tout le monde va mal, hein, au bout d'un moment. Oh, mais c'est un lundi, hein. C'est autre chose. Ah, ça va passer, souris, si t'as une dépression, fais pas chier. Le seul qu'on a quelque chose à foutre de Anakin dans les films, c'est Qui-Gon qui est littéralement en train de faire une crise de panique parce qu'il voit qu'Anakin va pas bien. Et puis t'as Yoda, il est affecté parce que bon, bah, il y a Qui-Gon qui lui crie dans les oreilles. Mais... Quel film t'as vu? De quoi tu parles? Mais ça c'est pas dans... c'est après quand il est déjà mort. Bref. Mais oui, justement, t'as Yoda qui a fait son match, ça a branché sur celui-là de Qui-Gon et c'est lui qui reçoit tout. C'est quoi ce bordel? Mais du coup, Anakin, justement, on le quitte juste après ça et on repasse justement, comme je disais, à Ahsoka qui fait sa vie un petit peu dans les bas-fonds de Coruscant. Je n'ai pas du tout vu cet arc-là, donc je vous laisse gérer. C'est vrai ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, les petites ? C'est le meilleur arc de toutes les séries. Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, j'ai souvent lu récemment, la suite à la saison, il y a quand même pas mal de monde qui m'ont dit « Oh, c'était l'arc un peu le plus faible. » Ah ouais ? Ouais. Bah, c'est celui que j'ai préféré, celui que j'ai moins bien aimé, c'est Bad Batch. Eh ben, je te laisse introduire cet arc, et puis tu nous en diras plus. Alors, donc, en gros, on suit Ahsoka. Faut savoir que Ahsoka n'avait plus de nouvelles depuis la saison 5, il me semble, où justement elle quitte l'Ordre Jedi. Donc en fait, on la suit et c'est un peu devenu elle rôde un petit peu. Et donc elle rôde dans les bas-fonds de Coruscant. Coruscant, appelez-la comme vous voulez cette planète. Mais, Coruscant, parce que c'est un vrai adjectif. Ou Coruscant, mais c'est parce que c'est un vrai adjectif. À l'époque, j'ai vu des traductions qui disaient Coruscant. Moi, je crois que ça se dit Qui-Gon. Oui, bref. Bon, du coup, donc je disais que Ahsoka donc était dans les bas-fonds de Coruscant, et donc elle rencontre plusieurs personnages, dont les sœurs. Alors attendez, je sais plus comment elles s'appellent. Martez, voilà, c'est ça, je cherchais. Ah oui, le gardien de but de l'équipe de France. Fabien Martez. Désolé. Donc, dans cet arc, elle se lie un petit peu aux deux sœurs Martez, donc, qui sont donc Trace et Rafa. Et donc, ces deux sœurs qui globalement fricotent plus ou moins avec la pègre. Toujours en étant voilà. Surtout l'une des deux, hein, c'est quelque chose d'assez. Ouais, c'est ça, ouais. La plus grande surtout. Mais en fait, on a la grande sœur qui est prête à faire des trucs un petit peu louches pour essayer, enfin pour s'aider elle-même déjà, j'ai l'impression, et aussi voilà aider sa sœur à s'en sortir plus ou moins, parce qu'ils vivent dans le niveau 1313, le fameux où vraiment c'est la S hein, sur Coruscant. On apprend que leurs parents ils sont séparés, du moins au début. Et voilà, puis elle survit en fait, hein, simplement sur Coruscant. Et Trace, son truc, elle, c'est de se construire un vaisseau pour se casser de là. C'est ça. Et en fait, donc c'est vraiment un arc qui commence sur cette planète, donc sur Coruscant. Et en fait, ça finit par par bouger et par aller à d'autres endroits. Donc on voyage. C'est un arc en fin de compte, genre maintenant que j'y pense, j'avoue que c'est pas le meilleur arc de la série, le meilleur arc de la fin de la. Ouais, je pense que ça serait le dernier plutôt, mais en tout cas, c'est le premier, enfin les deux premiers épisodes sont vraiment bien, je trouve, de l'arc. Où en fait vraiment c'est Ahsoka qui vit une vie un petit peu de malfrat, mais en tout cas de quelqu'un qui hors la loi. Pardon ? De hors la loi. Ouais, voilà, c'est ça, hors la loi. Et j'ai surtout adoré. En fait, moi cet arc, surtout le début, m'a vraiment fait penser à The Last Jedi. Parce que putain, on dirait que je suis gros jusqu'à tout qui me fait penser à The Last Jedi. Mais en gros, ça m'a fait penser beaucoup à The Last Jedi parce que vraiment, c'est là où en fait Ahsoka se rend compte que, des gens ont vu leur vie complètement détruite à cause des Jedi, donc dont les sœurs Martez. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien parce que Ahsoka qui a quitté l'ordre, hein, mais qui quand même est restée fidèle aux Jedi et à leurs dogmes, elle se rend compte que la vie des sœurs Martez a été profondément affectée par les Jedi, et du coup elle déteste les Jedi, donc Ahsoka est obligée de se cacher, en tout cas de cacher sa force et tout ce qu'elle était avant. Et donc Ahsoka elle est un peu là en mode ouais mais non, ils sont gentils les Jedi, et en fin de compte les sœurs Martez à côté elles défoncent l'ordre. Donc il t'a pas dit pourquoi, c'est parce que alors, justement c'est encore un écho à un autre épisode où on a Cad Bane qui vient aider Zero. Cad Bane, un chasseur de primes. Chasseur de primes, le légendaire chasseur de primes à l'époque, bien plus que Matrax. Avec un chapeau. C'est lui. Oui, quoi, avec sa grosse voix là. Cad Bane, le duro, oui, qui est super classe avec son grand chapeau, qui vient aider donc Zero le Hutt à s'échapper. On a plusieurs épisodes, je crois, et en fait il remonte ou il descend, je sais plus, dans les bas-fonds de Coruscant. Et il y a toute une poursuite. Il y a un vaisseau qui va venir s'écraser contre des bâtiments à ce moment-là. Et les parents des sœurs Martez, en fait, ils sont pas séparés. C'est juste qu'ils sont canés. ils sont morts. Et ils étaient séparés, les bras des jambes. Voilà, séparés littéralement en petits morceaux. Simplement, ils ont été tués dans l'accident provoqué. À la fois par Cad Bane, mais aussi par les Jedi, parce que les Jedi, eux, leur but, c'était d'arrêter Zero et pas spécialement de protéger les gens qui étaient autour. En tout cas, c'était pas leur objectif principal. Et c'est là c'est à la fois là que Ahsoka, pardon, réalise que les Jedi, ils peuvent faire du bien, mais ils peuvent aussi faire du mal. Même si auparavant déjà elle a été plutôt amère vu comme ils l'ont jeté malpropre, mais il y a cette dimension là, et en même temps à la fin elle réalise qu'elle peut pas non plus rester en dehors de tout ça et que faut quand même qu'elle s'implique pour justement éviter que ça se reproduise et que d'autres choses de ce type là se produisent. Donc c'est un arc qui est assez intéressant. Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé un poil long, je pense que 3 épisodes auraient suffi. Et je me dis qu'il aurait eu sa place dans une saison, on va dire, plus régulière de Clone Wars. Une saison de, 20 épisodes. Là, dans quelque chose d'aussi événementiel, avec aussi peu d'épisodes, je trouve qu'il fait un petit peu décalé, mais il est pas dénué d'intérêt comme arc. Ouais, c'est le début surtout, que je trouve vraiment hyper intéressant, parce qu'on voit enfin la vie dans Star Wars. Et moi, vous savez bien, je pense que vous commencez à me connaître, si vous écoutez un peu le podcast. Moi, quand on voit des morceaux de vie de personnes qui vivent tout simplement leur vie de citoyens de l'espace, je trouve ça génial, parce que vraiment ça montre un petit peu le quotidien des gens, et en fait c'est tellement un univers qui est plausible, enfin pas pour beaucoup de choses, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'on va sur Kessel et qu'on voit un autre aspect de Kessel qui est super intéressant, j'étais resté un peu à l'image, vraiment l'ancienne image du Kessel du Legend, où on nous dit que c'est un putain de gros caillou pourri avec juste plein d'épices et des mines partout. Dans Solo, on voit cet aspect, on voit les mines, on voit tout ça. Mais c'est tout ce qu'on en voit là dans cet épisode. On en voit que Kessel, c'est autant aussi bien, des mines, un ravage écologique monstrueux et tout. Et en même temps, à côté de ça, il y a toute une phase du planétoïde, parce que c'est pas vraiment une planète, mais qui est plutôt verdoyante, avec des maisons de luxe et tout, pour justement un petit peu tous les parrains, si on peut dire, du trafic d'épices, quoi. Et c'était intéressant, ce petit truc-là, c'était vachement intéressant. Est-ce qu'on voit Po faire son trafic? Alors non. Il était trop occupé à voler un speeder à côté. Il est tout simplement pas né à l'époque, ouais, naturellement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de cool, comme tu disais, voir un autre aspect de Kessel après Solo, ça fait du bien. Mais qui se complètent d'ailleurs. Les deux se complètent, ils se contredisent pas, je trouve. Clairement, surtout, là il montre en fait avec ça que finalement, il montre un petit peu l'envers du décor avec justement les riches qui profitent des pauvres et des esclaves qu'on a vus dans Solo. Quoi. Peu importe l'époque, sous l'Empire ou la République, c'est les mêmes merdes. Hein. Et puis les derniers épisodes, on voit les Pikes. Moi, j'aime bien les Pikes. Je trouve qu'ils sont très très cool. Ouais. J'aime bien parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui soit à la fois assez comique finalement et en même temps, je trouve qu'ils sont assez flippants comme ça le prix. Hein. Les Pikes, ils sont pas. Ils sont pas gentils, en plus. T'irais pas boire un verre avec eux, comme ça, un soir. Enfin, c'est pas l'air d'être des mecs de front, ouais, de bonne camaraderie. Mais c'est toujours cool de les retrouver, je trouve. Seul bémol, je trouve que tout ce passage sur, je sais pas comment s'appelle leur planète, d'ailleurs, mais tout ce passage, chez les Pikes, là, ils s'étendent un petit peu, hein, parce qu'ils se font capturer, ils s'échappent, ils se refont capturer, ils se rééchappent. Oui, alors ça c'est drôle parce que en voyant l'épisode, j'ai relancé donc l'épisode la semaine d'après et je me rappelle plus comment on avait terminé l'épisode, je crois que c'est l'épisode 6 et je me suis dit merde, est-ce que j'ai mis une bonne épisode parce que vraiment les deux épisodes mais je l'ai déjà vu, ça c'est bizarre. Mais ouais, je me dis merde, mais j'ai pas déjà vu cet épisode là parce que Ahsoka était enfermé au même endroit quoi. Mon seul reproche vraiment c'est que je trouve qu'il traîne un petit peu en longueur et qu'il est déplacé, je trouve qu'il y avait des arcs à finir. Plutôt qu'à mettre celui-ci, quand tu sais que t'as que 12 épisodes pour clôturer la série, et celui-ci était peut-être pas indispensable. Je pense qu'il était vraiment là pour montrer qu'est-ce qu'a fait Ahsoka pendant ce temps-là et qu'est-ce qui l'a amené à se réimpliquer derrière dans le siège de Mandalore, notamment. Mais il s'éteint un petit peu en longueur. Bon, ça nous permet au moins de shipper Trace avec Ahsoka, c'est déjà pas mal. Ah oui, naturellement. De 200%. Ouais. Ça c'est. Et donc en parlant justement de liens avec d'autres arcs, eh bien en fait ça l'a fait complètement avec la suite parce que à la fin de je crois que c'est le dernier épisode de cet arc là, donc l'épisode 8, 7 de la série, je sais plus, de la saison, eh bien on revoit le petit personnage de Darth Maul, donc que Ahsoka voit il me semble à travers un hologramme. Voilà, il est en train de causer avec les Pikes à ce moment-là, de mémoire. Ouais, il est en train de causer avec les Pikes, et c'est un petit peu là le début du Crimson Dawn, le syndicat du crime dont Dryden Vos est le représentant dans Solo. Donc, pardonne-moi, mon petit ami, mais tu mélanges un petit peu tout. C'est vrai. C'est pas faux, mais en fait. Attends, reprends-moi parce que dans les saisons précédentes de Clone Wars. On voit déjà les. Dans les saisons précédentes de Clone Wars, en fait, il y a Maul, et je pense qu'on pourra faire même un épisode rien que sur Maul parce qu'il y a tellement de trucs à dire et c'est un personnage. Non, mais vraiment, c'est un personnage passionnant en vrai. Ce qu'ils en ont fait depuis l'épisode 1, c'est génial. C'est merveilleux. C'est un loser magnifique, je sais pas comment dire. Le mec arrive toujours à aller presque au truc et à chaque fois il chute et il lâche pas l'affaire et il retourne. Ça, c'est Gros Minet dans Titi et Gros Minet. Il y a de ça en beaucoup plus tragique. Et Sam Witwer on va en parler dans le dernier arc, mais il est incroyable. Mais en fait, à un moment donné, donc Maul réussit déjà à se retrouver d'une paire de jambes, à sortir de sa décharge, et à un moment donné, il met la main, il arrive à prendre le contrôle un petit peu de la Death Watch, qui sont un groupe de Mandaloriens, et suite à ça, il fait main basse sur les Pikes, je crois qu'il y a aussi le Soleil Noir, même s'il s'appelle peut-être plus comme ça, je sais plus. Si c'est le Soleil Noir, si ils ont gardé ce nom-là, effectivement. En fait, c'est le collectif des ombres de Dark Maul qui sont en gros un super syndicat du crime qui rassemble plusieurs syndicats comme cela. Et en fait, Crimson Dawn à ce moment-là, on le voit pas dans ces épisodes-là, ça existait pas encore. Mais depuis, il y a eu Solo, et dans la saison 7, on voit à un moment un hologramme des différents dirigeants de ces syndicats-là, et on voit effectivement Dryden Vos qui apparaît. Donc, le Crimson Dawn fait partie déjà de ces trucs que gère Maul à ce moment-là, mais ça c'était en fait c'est le collectif des ombres, tout ce rassemblement de gros syndicats du crime. Donc ouais, on voit Maul voilà causé par hologramme avec les Pikes, je crois qu'ils sont en train de dire en gros que ça pue la merde, un truc comme ça, je sais plus trop. J'ai pas de grosse précision, mais voilà. C'est là qu'Ahsoka récupère des infos sur Maul. Et en fait, elle est suivie par des Mandaloriens qui sont en couverture à ce moment-là dans le coin. Ils sont pas en armure, ils ont juste une couverture. Non. Il fait froid. Attends, parce qu'ils sont en armure, mais ils mettent une capuche. Ouais. on a Bo-Katan qui est là, qui est un petit peu la leader de, je sais pas comment on dit, de qui est la sœur de Satine. De Satine, effectivement. Feu Satine. Qui était l'ex de Obi-Wan. Voilà. Feu Satine. Qui s'était fait assassiner par Maul. Par Maul. Triste. Voilà. Sale histoire. Devant Obi-Wan. Horrible. Cet épisode-là, il est tellement touché. Bah, Bo-Katan qui cherche un petit peu, voilà, à dégommer Maul de Mandalore. Enfin, dégommer tout court ou le virer de Mandalore, en tout cas. Parce que pendant ce temps-là, Maul, il a quand même un petit peu la main mise sur Mandalore depuis quelques temps. Et tout ça mène simplement, tout cet arc amène au fait que Ahsoka se dit les Jedi c'est pas mal mais c'est quand même pas si ouf, je peux pas ne pas m'en mêler, et tiens Bo-Katan débarque et dit tu peux venir m'aider, faut qu'on aille libérer Mandalore, et elle fait ok. Il y a un mec là en rouge et noir, il a pris notre sabre Dark Saber. Et maintenant c'est un peu notre chef, sauf qu'il fout la merde. D'ailleurs on le voit pas avec le Dark Saber dans cette saison là. Non, pas du non, tout. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment un truc symbolique. On en a pas besoin, c'est trop badass. Ouais. Ouais, mais il l'utilisait plusieurs fois dans les autres saisons. Non, là, il s'est rendu compte que le rouge il préfère. Ah, c'est plus pratique quand même, faut dire. Il y en a deux en plus des lames quand même. Mais oui. Tout ça nous amène au. Bah, je pense que la saison 7 existe uniquement pour cet arc-là. Ouais. Le siège de Mandalore. D'ailleurs, on a accueilli par un générique un petit peu spécial avec un logo rouge. Le thème habituel de Star Wars, c'est pas de Clone Wars. Une petite mention en vert sur fond noir, Lucasfilm Limited, quoi ça. Rien que ça, déjà, tu te dis, ouh, il se passe quelque chose. Il se passe un truc, on n'est plus dans la même dimension, c'est clairement pas, on joue pas dans la même cour. C'est clairement qu'il se passe un truc. Exactement. Et là, tu vas pouvoir nous en parler, Grushkov, parce que tu as vu ces épisodes-là pour le coup. Non. Non, bon d'accord, tant pis. si. Du coup, ça commence justement avec Anakin, hein, qu'on avait lâché la dernière fois. Anakin qui est dans son Star Destroyer à lui avec sa petite 501e machin truc et tout, et il reçoit une communication avec Obi-Wan, une communication de quelqu'un qui veut lui parler en personne, et en fait c'est Bo-Katan et Ahsoka qu'il n'a pas vu du coup depuis la fois où elle a quitté l'Ordre Jedi et qu'elle lui a dit au revoir et qu'elle lui a dit hey mec tu devrais faire pareil hein, sans déconner. Il aurait dû faire l'a pareil. Pas fait. C'était littéralement la dernière fois qu'ils se sont vus, donc évidemment ça provoque beaucoup d'émotions chez lui. Chez le spectateur également, hein, je veux dire, quand il nous avait montré ça en trailer. l'été dernier, je crois, c'était quand même déjà quelque chose. C'était à la célébration, hein, c'était qu'ils à la avaient célébration, oui. Montré ça, je crois. C'était déjà quelque chose. Mais voilà, donc, forcément, il est dans tous ses états, le pauvre. Mm-hmm. Du coup, elle leur demande de l'aide pour aider du coup Bo-Katan et Mandalorian à récupérer cette planète toute pourrie, je sais même pas pourquoi ils la veulent d'ailleurs, est complètement défoncée Mandalore. C'est pas Mandalore qui est défoncée, hein, c'est Concord Down, c'est deux choses différentes. Oui, pardon. Si Finelli était là, elle te reprendrait. Attention. Je me ferais défoncer. Mais c'est surtout que. Fire un mat ce soir. Hein. C'est ça. Et je suis. Qui s'est pris pour tech, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est lui tech. Et du coup, elle leur demande de l'aide. Le truc, c'est que bah le Conseil Jedi, c'est des connards. Hein. Il y a Windu dans l'épisode. D'ailleurs, on peut voir pendant un conseil bébé Kenan, Caleb Doom, avec des papis là-bas. Je l'aime. En hologramme. Alors si à la base, si quand même si Bo-Katan et Ahsoka demandent de l'aide, c'est aussi que grâce à Ahsoka, ils savent que Maul est sur place. Ça, ils ne savaient pas jusque-là, je crois. Et bah, il fallait comme dire, au fait, Obi-Wan, tu te souviens le mec que t'as buté? Ouais. Bah, tu sais qu'il n'était pas mort. Ouais. Bah, là, il fout la merde, s'il te plaît. Il fallait rien de final. Le mec qui a buté ton maître, que du coup t'as buté, mais en fait après il est revenu, il a buté ta meuf. Du coup, Anakin et Obi-Wan, ils vont la voir, ils se ramènent, et Rex prépare une petite surprise à Ahsoka. C'est son cul. Oh, putain de merde. C'est ma bite. Alors Ahsoka, t'aimes bien de nouvelles armures et il a poil. Alors, juste si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu cet épisode-là un peu plus tard qu'aujourd'hui, donc c'est pas très frais, mais il me semble qu'à la base, Obi-Wan et Anakin, ils lui disent « Ouais, ok, on y va, on va sur Mandalore. » Oui, c'est ça. Eux, ils sont chauds. C'est pour ça qu'ils y vont, Ils vont vers Mandalore. Du coup, voilà, il fait sa petite fiesta, hop, à poil, machin. Gordia, tu veux dire. Coucou Ahsoka, on est content de te revoir. Mais voilà, je te laisse reprendre parce qu'ils ont des magnifiques casques dont on va pouvoir parler, je suppose. C'est ça, ils se sont fait un paint job sur le casque où en fait bah ils se sont mis aux couleurs d'Ahsoka, donc orange comme Trump et blanc comme Trump aussi. Non, mais ça reprend simplement le motif qu'elle a sur le front. Oui, c'est ça. Donc en fait les mecs ils se sont fait une blackface. Mais c'est ça en vrai. Ça fait une Togruta face, c'est déjà. Une Togruta face, mais non, mais c'est une marque de guerre, c'est un hommage, c'est. Ouais. Mais c'est non, comme non, Trudeau qui se fait une blackface quand il va en Inde et qui se met en foot tenue, c'est un hommage aussi. Non, mais c'est dans l'esprit mandalorien. Regarde, on a Rex qui a les, je ne sais plus qu'on appelle ça, les marques dans son casque là. Putain, Funeli, pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'as pas regardé la série? Tu fais chier. Faudrait m'aider sans souci. Mais d'ailleurs, il y a les Mandaloriens de. Les Mandaloriens qui suivent Maul, justement, ils se sont fait aussi les marques de Maul. Ils se sont même mis des petites cornes. Voilà, ils ont des cornes sur les casques et tout. Donc c'est vraiment dans l'idée de faire un hommage. Et d'ailleurs, ils l'appellent tous Commander, alors qu'elle n'est plus Jedi, donc elle n'est même plus commandant. Dans l'armée de la République, quoi. Donc il y a vraiment un énorme respect de la part de la compagnie de, enfin des, comment on appelle ça, la 501e. C'est la 501e de Anakin, effectivement, oui. Contrairement à la vraie vie. Ouais, c'est ça, c'est eux, c'est la bonne 501e. Heureusement que Funeli n'est pas là. C'est la bonne 501e. Nous on a celle avec la puce qui a pas été enlevée, quoi. Et Anakin aussi a une surprise pour Ahsoka puisqu'il lui. Non, lui, pour une fois, il met des vêtements, elle fait waouh! Il a un sabre laser. Non, justement, il fait hey, qu'est-ce qui est mieux qu'un sabre laser? Deux sabres laser. Oui, du coup, Anakin, il lui donne deux sabres laser parce que elle a deux sabres laser, Ahsoka. On a regardé Rebels, on a vu que t'avais deux sabres laser, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un peu. Bah non, il a regardé Clone Wars. C'est même pas les mêmes couleurs, c'est quoi cette merde? Comment ça, ils sont pas de la même couleur? Bah genre, dans Rebels, c'est des sabres blancs, et là, ils sont bleus. Mais oui, mais c'est pas la même chose, t'as qu'à lire les livres. Bah oui, mais c'est quel livre aussi? Il y en a tellement des millions. C'est Ahsoka, il est pas encore sorti en français, mais il sort bientôt. Il sort dans un mois ou deux, je crois. Non, puis en plus, elle abandonne un des sabres bleus à la fin de la série. Mais tu regardes un peu, Adrien? Mais oui, non, mais il dit n'importe quoi. Regardez quoi? Bon, merde, on reprend. Donc, il lui offre deux sabres laser dans un coffret. Ouais, et parce que, en fait, ils font tout ça parce que ces gros trous du cul de Jedi, ils ont dit non, mais c'est bon, là, il y a Palpatine, il a été kidnappé, faut aller s'occuper de lui, nous on est que 10 000, donc c'est obligé que ce soit vous deux. Non, mais c'est avant ça encore, je crois qu'il veut lui donner ses sabres. C'est vraiment dans l'idée de la réintégrer un petit peu, qu'elle se... T'es sûr que c'est pas après? Non, c'est juste avant. Enfin, il veut lui donner avant. Entre-temps, c'est la merde, c'est la S, et après, il lui donne quand même ses sabres. Ok, d'accord. Je me souvenais plus que c'était dans ce sens-là. Donc j'ai foutu la merde, donc tu peux recommencer. Non, mais vas-y, tu peux continuer, toi, justement. Mais on disait quoi? On était où? Bah, Mace Windu, c'est un connard. Il parle comme une merde à Ahsoka. Oui, non, effectivement, Anakin veut le donner à Ahsoka ses sabres, hein, vraiment dans l'idée... un petit peu comme les clones, hein, c'est vraiment, on l'appelle commandant et tout, vraiment, on l'a réintégré dans, pas forcément dans l'armée, mais vraiment, qu'elle fasse partie prenante du groupe, comme à l'époque. Sauf que là, je crois que c'est Obi-Wan qui débarque en mode, on va pas pouvoir aller sans Mandalore, c'est chaud. Palpy qui s'est fait, Palpatoche, là, qui s'est fait capturer, kidnapper, Tretros, là, par Grievous. C'est la S. Du coup, on part tous sur Coruscant. On y va tous, on va parce que merde, et du coup on va pas pouvoir aller sans Mandalore, et puis chez, démerdez-vous. Ça c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il dit. Oui c'est ça, c'est mot pour mot, j'ai trouvé le script, il lui dit chez. Voilà. Et du coup Ahsoka elle en profite pour les engueuler. Voilà, alors c'est putain. J'ai des gros misogynes, comme des connards. Anakin il fait ouais j'avoue c'est vrai, il lui file la moitié de la 501ème. Mais il peut pas la nommer commandant parce qu'elle est plus Jedi, donc on lui laisse également Rex. C'est Rex qui va prendre le commandement, qui va devenir général de cette moitié de 501ème, qui elle va partir. Non, il devient commandant justement. Il devient commandant. Commandant, oui, je crois que c'est général. Oui. C'est général Kenobi, général Skywalker. Il redevient. Non, c'est commandant Rex. Ouf. Oh. Parce que d'habitude c'est capitaine et là c'est commandant. Peut-être commander, ouais. Commander Rex. Je crois que commandant c'est encore autre chose. Bref, on s'en fout. En tout cas, c'est Rex qui officiellement dirige cette moitié de 501ème qui part pour Mandalore avec Ahsoka et Bo-Katan pour aller botter le cul de Maul. Pendant que Anakin, Obi-Wan et tout le reste, eux partent pour Coruscant et c'est là qu'on raccroche les wagons avec l'épisode 3. Le débarquement, le début du siège de Mandalore, ça pète de partout. C'est trop bien. Ils sont dans les canonnières clones. Ahsoka, elle saute de vaisseau en vaisseau, elle botte des culs, c'est n'importe quoi. Ah c'est beau. Et après il y a une explosion dans son dos, mais tu vois contrairement au Bad Batch cette fois-ci c'est trop stylé. Non, en vrai, ça m'avait fait rire aussi quand je l'avais vu, genre, sans déconner. Elle atterrit, tu sais, en mode trop badass, et puis il y a le truc qui explose derrière, genre, ok, d'accord. Là, t'as un riff de guitare, et puis yeah! Ouais, c'est trop ça, t'as le mec de, tu sais, le mec de Fury Road avec sa guitare qui suit un soca sur une canonnière, comme ça, ah, down, down! Elle bat des culs, ouais, c'est Ahsoka. Et je sais pas si on l'a dit, mais par rapport à la musique, le début de l'épisode, enfin du premier épisode de cet arc-là, où justement Ahsoka est en train de sauter de vaisseau en vaisseau, sur Mandalore, et ben en fait, c'est la même musique que le tout début de Revenge of the Sith. Non. C'est un truc qu'il y a beaucoup dans Star Wars, justement dans Fallen Order, à un moment, quand il y a l'Ordre 66, ils remettent directement la musique de l'Ordre 66 du film, et je déteste quand ils font ça. C'est vrai, moi j'aime bien. Je trouve ça non inspiré. C'est pas mal utilisé pour ton alors que justement, dans les deux fois justement, pendant le débarquement, et pendant l'Ordre 66, c'est pas repris directement, c'est inspiré d'eux, oui, où ça reprend des bouts, mais c'est vraiment une composition originale, et pour le coup, je trouve ça mieux, voilà, comme ça a vraiment sa propre identité, ça, tout en évoquant le truc qu'ils veulent évoquer, donc je trouve ça plus réussi que de justement d'avoir remis la même chose. On a même des petits accents de Duel of the Fates un peu plus tard. Dans cet arc. Je me souviens plus par contre, hein. Mais justement la musique dans tout cet arc-là en particulier, ils ont vraiment fait un truc assez ouf. Ils ont fait beaucoup de musique très ambiance, la musique et la réal. Ils ont mis le paquet là-dedans, hein, parce que c'était clairement envisagé plus comme un film, justement. C'est ça qui est drôle, c'est que le film Clone Wars, c'est juste 3 épisodes collés, et le final, c'est un film découpé, en fait, en épisodes. Honnêtement, tu colles les 4 épisodes ensemble, ça fait un super film, hein, parce que même la réelle, la photographie, enfin les lumières, c'est photographie pour l'animation, c'est peut-être dur à dire, mais les lumières, la réalisation, les animations, tout ça, c'est un cran au-dessus de tous les autres épisodes de la saison. Ils ont fait un super final. Ah, ils ont fait un super final, mais ils sont vraiment appliqués toutes les chorégraphies, justement, pendant cette attaque de Mandalore, là, où Ahsoka fait botte des culs dans tous les sens, avec, comme tu dis, avec le mec qui chante derrière, c'est ouf, quoi. C'est vraiment hyper bien animé. Puis derrière, on a plein de scènes de combat, pareil, qui sont très très bien animées, des phases beaucoup plus calmes d'ambiance avec des lumières folles, enfin, c'est... Et c'est pas que de l'action, juste pour l'action, parce que t'as tout l'arc de Ahsoka et Maul autour de ce qui va arriver à Anakin, qui est ultra intéressant. C'est fantastique. Tout le côté de Maul qui a vu que Anakin allait devenir la plus grosse menace de la galaxie et qui essaye du coup de prévenir tout le monde. Et t'as Ahsoka forcément qui veut pas y croire parce qu'Anakin c'est quand même vachement son pote. Donc. Maul dans cet arc là, il me fait trop penser à moi quand je lis des leaks d'un truc, mais que je veux pas spoiler les gens. Et que je vois si les trucs sont vrais ou pas, et qui commencent à arriver, tu sais, des trucs officiels, tu sais. Ah ouais, donc c'est bien ça y est, ça commence. mais ah, non. J'aurais pas pensé que ce serait comme ça, en fait. On reviendra peut-être sur Maul après, mais moi je l'ai trouvé ultra... Sexy. Oui, mais j'allais pas dire ça. Ultra touchant parce que il est vraiment terrifié de ce qui va se passer et personne ne l'écoute et du coup il est totalement en panique. C'est trop triste. On se rapproche vraiment du Maul de Rebels dans cet arc-là. Et il est à la fois touchant, à la fois terrifiant par moments. Ils en ont fait vraiment un vrai personnage. C'est pour ça que je dis que j'ai envie de faire un épisode un jour sur Maul, parce qu'on est passé d'un simple méchant qui meurt en un coup de sabre, voilà, et qu'on coupe en deux, on l'oublie, hop, bah, c'est fini, on a un film. Je crois qu'il a, s'il a, je sais pas, 10 minutes de temps d'écran dans l'épisode 1, c'est déjà maximum. Il a une réplique. Et encore, si on peut appeler ça une réplique. Deux, je crois. Deux, pardon. et ce qu'ils en ont fait, c'est juste formidable, quoi. Et là, je trouve autant dans Rebels, je l'ai trouvé magnifique, mais là je trouve que dans cet arc là, certains épisodes, il est fantastique. La voix Sam Witwer, il est au sommet de sa forme. Oui, là Witwer, il est à fond. Il est vraiment à fond. Il est incroyable, mais ce mec là, on devrait le voir partout. Il est mais fantastique. Il a une intensité dans la voix. Il lui met une touche dramatique, il lui met de l'intensité, de la colère, de la frustration. Ouais. Ce côté, voilà, bah, je le sais, je sais que ça va arriver, mais j'y peux rien. Il y a quelque chose. C'est du grand acting, vraiment. Je trouve que Vraiment. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve que ça commence comme un mauvais podcast. Mais dans en fait la série, le show télévisé qui vient de sortir là, présenté par Ahmed Best, Jedi Temple Challenge, Sam Witwer prête sa voix. Oh. À qui? Donc, au côté obscur. Ah, c'est pas trop. Ah, d'accord. Ouais. C'est une sorte d'holocron qui cause, je crois, ou un truc du genre. Mais Maul, dans cette saison-là, il vole la vedette, en fait. À chaque fois qu'il est dans un épisode, t'as juste envie que ça suive que son côté à lui. Et t'es genre, quand est-ce qu'on va le revoir? Quand est-ce qu'on va le revoir? Là, les deux qui volent la vedette, c'est Ahsoka et Maul. Hein. De toute façon, Lui, il arrive à éclipser Ahsoka, je trouve, parce que il a vraiment cet aspect de détresse où t'as envie d'être là et de l'aider et de l'écouter et de le guider jusqu'à Anakin pour qu'il... C'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive, à un moment, en plus, et pour le coup, ça fait encore écho à plein d'autres trucs dans Star Wars, et mieux que le frère Abrams, c'est que pareil, il cherche à avoir l'aide d'Ahsoka, enfin, on va plus loin, on sait plus le déroulé des épisodes, là, à un moment donné, il tend la main, merde, à Ahsoka, quoi. Ensemble. Mais elle était prête à l'aider jusqu'à ce qu'il parle de Anakin, hein. Eric, ils ont vu The Last Jedi, ils ont dit il faut qu'on ait la même chose et du coup, mais comment on fait? Il y a pas les draps qui brûlent autour. Comment on fait pour avoir des... Alors qu'ils ont une salle du trône magnifique, des effets de lumière incroyables avec la bataille dehors derrière les vitraux. Ils n'avaient pas besoin de ça. Des paillettes, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on fait péter les fenêtres pour avoir plein de particules. J'ai trouvé cette scène incroyable. Ce dialogue, ouais. C'est... Mais quand les vitraux se brisent tous en même temps et que devant, t'as Ahsoka et Maul, mais c'est, ce moment-là, il est incroyable. Même toute cette scène de dialogue où t'as Maul qui va... on va peut-être juste reprendre rapidement. Grosse baston, il se retrouve dans les égouts, il cherche... je sais plus ce qu'il cherche, mais... Maul parvient à capturer Ahsoka et il se dit « Merde, putain, mais t'es pas Obi-Wan, toi ?» Parce que lui, ce qu'il cherchait à tirer, c'était Obi-Wan. Ouais. On sait pas trop au début pourquoi. On se dit « Bah, forcément, il veut se venger encore. Il lâche pas l'affaire, le mec. » Mais il tombe sur Ahsoka. Donc, de fil en aiguille, il capture un autre Arc Trooper parce qu'elle s'échappe. Il parvient à avoir des infos sur Ahsoka, pour savoir qui est Ahsoka, parce que lui, il débarque complètement. Et il découvre que c'est, du coup, la Padawan d'Anakin. Et... il y a cette magnifique scène, voilà, dans la salle du trône de Mandalore où vraiment c'est une des plus belles scènes, parce que c'est pas une scène d'action, il y a pas de combat, en tout cas pas tout de suite, parce que derrière il y a un super duel, mais on a une scène de dialogue avec une magnifique lumière et tout, juste entre Ahsoka et Maul, et c'est là qu'on comprend qu'il voulait attirer Kenobi pour que forcément son Padawan suive, Skywalker vienne et qu'il puisse le tuer, parce qu'il a vu que Anakin était dangereux, qu'il allait se passer un truc avec Anakin, que c'était la merde et que c'était la machination de Sidious, etc. Donc c'est comme tu dis, hein, il a vu un peu, il voit les bails se mettre en place, il sent que ça pue et il veut essayer de faire quelque chose. Et il en vient à demander l'aide d'Ahsoka, bah aide-moi, ensemble on peut peut-être bousiller les plans de Sidious. Par contre, il faudra buter Anakin et là ça passe pas. En fait, il aurait dû viser Sidious directement, en fait. Il aurait dû demander à Ahsoka de l'aider à abattre Sidious. C'est ça, ouais. Et pas. Franchement, Anakin. S'il n'avait pas réussi avec Savage Opress, il n'aurait pas réussi avec Ahsoka. Je pense pas. T'es sûr? Il en a peur, surtout de Maul. Enfin, de... Ouais. De mais je pense que tous les deux, ils auraient pu. Et puis, avec Yoda, enfin, tu sais, une fois que t'as Ahsoka, elle peut ramener les autres en disant, bah, en fait, le Seigneur Sith que vous cherchez, c'est Palpatine. Ouais, hein, c'est clair. Pousse, il a ouais, mal joué son coup. Mais parce que. Après, il est terrifié, hein. Mais c'est parce qu'il est terrifié, parce que. Ouais. Mais en plus, du coup, c'est le deal breaker, hein. Il est terrifié par Palpatine, parce que je vous rappelle que, voilà, je sais plus dans quelle saison, il se fait dérouiller le cul par Palpatine. Ouais, bah ouais, avec son frère. Il y a Sidious en personne qui vient sur place, je crois que c'est en Mandalore même, et il vient lui botter le cul, il vient dégommer son frangin, il vient foutre le vin, il lui met une fessée cul nue, hein, c'est... Bah, c'est comme Kylo Ren avec Snoke, hein, c'est pour ça qu'il s'est jamais rebellé aussi, parce qu'il est terrifié, et quand il voit que Rey, elle arrive, elle fait ok, on botte le cul du vieux con, et bon bah ok, let's do it. Si Ahsoka, s'il avait dit à Ahsoka qu'il était Sidious, elle aurait dit bah ok on y va et là il aurait suivi mais lui il aurait jamais proposé. Mais c'est parce que aussi Maul il reste dans une optique comme elle lui dit à un moment donné si je t'avais aidé à dégommer Sidious t'aurais fini par prendre sa place parce que ça c'est pas que ça incite encore à ce moment là mais il est quand même il aime bien le pouvoir ouais, c'est un truc ça le fait kiffer donc voilà s'ils avaient dégommé Sidious il aurait peut-être cherché aussi à gratter la place du vizir à la place du vizir donc ça se comprend aussi du point de vue d'Ahsoka mais ça empêche le calife c'est pareil j'en ai rien à foutre pardon je vais la refaire si vous voulez le calife à la place du vizir ça du coup non mais elle sent bien qu'il y a un loup il y a un truc derrière il y a anguille sous roche donc forcément elle le suit pas notamment parce qu'il parle de buter Anakin mais aussi parce que le mec quand même il est pas clair mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un des meilleurs moments de Stark. C'est vraiment cette conversation qu'il y a entre Maul et Ahsoka, le duel qui s'ensuit. De toute la série, hein. De toute la série. Franchement, ouais. Et après, on a ce duel sur les poutrelles, là, en hauteur aussi, au-dessus de Mandalore, qui est assez ouf. Alors, du coup, pour ces duels, justement, pour la première fois, ils ont fait de la motion capture. Vraiment? Ouais, et celui qui du coup a fait la motion capture de Maul pour ce duel là, c'est Ray Park qui est revenu. C'est classe. Trop bien. parce que lui, il est toujours chaud. Hein, pour bah, lui, c'est son problème. Je sais pas comment il vit le fait de pas pouvoir faire parler son personnage. Je crois qu'il s'en fout, en vrai. J'ai l'impression qu'il s'en fout, pense, qu'il hein. le vit bien, ouais. mais en tout cas, le combo oui, oui. Park Whitworth marche formidablement bien, quoi. Ah, mais moi, je veux voir que ça toute ouais. ma vie, hein. Tout ça, voilà. Moi, je veux voir une série qui fait la suite de Solo avec les deux qui incarnent le personnage, ça m'ira très très bien. Mais oui. Mais c'est parfait, parce que autant, par exemple, Hayden Christensen et l'autre, là, le doubleur d'Anakin dans les séries, ben, je vois pas un duo entre les deux si un jour on reverrait Anakin, mais là vraiment, enfin, pour moi, Maul c'est un personnage qui est intéressant parce que vous dites il est un peu tiraillé et ce tiraillement ça se ressent aussi par son acting parce qu'il est tiraillé entre deux acteurs en fait et ça qui est incroyable. C'est vrai que genre, ça lui donne du génial. Coup deux quelque part un peu de personnalité si on peut dire. C'est ouais, ça que ouais, c'est super intéressant comme analogie. Ouais, c'est super intelligent comme truc qu'ils ont fait. C'était pas volontaire. En plus c'était pas volontaire. Du coup pour le coup c'était pas volontaire mais ça marche bien en fait. C'est vrai que ça marche bien. Ouais. Où est-ce qu'on en est dans cet arc? Du coup, Maul, il se fait littéralement poutrer à la fin. Et ben, il se fait capturer, hein, il se fait vraiment sécher, pour le coup. Ouais. Mais en vrai, Ahsoka, elle a eu chaud aux fesses. Hein. Oui, ça s'est quand même, ça s'est quand même joué à peu. Ça s'est joué à peu de choses, c'est vrai. Parce qu'elle est plus zen que lui. Ouais, c'est ça. Impulsif, et c'est ça qui le... Maintenant qu'on parle de la motion capture, c'est vrai que pendant ce duel-là dans la salle du trône de Mandalore, j'ai vu des coups. Il y a pas un moment où il tente de refaire la même chose qu'il a fait à Qui-Gon aussi? C'est possible, non? J'ai vu un, bah j'ai, ça, c'est ce qu'il fait dans Rebels face à... C'est ce qu'il fait dans Rebels face à Obi-Wan. Obi-Wan, on lui fait plus. Mais il me semble qu'à un moment donné, il tente de la faire à Ahsoka et, bon, ça passe pas, mais il lui met un coup de tête, enfin, un coup de manche de sabre dans la tête pour... Il a un move. Il y a vraiment, en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on retrouve des pas, des chorés de l'épisode 1, clairement. Ouais, vraiment. Mais bon, il a évolué quand même. Et du coup, Ahsoka finit par la voir et il se fait capturer par les Mandaloriens qui, de leur côté, eux, ont fini par gagner une petite bataille. Non, mais d'ailleurs, ils ont complètement gagné parce que en tout cas, le chef du clan Saxon qui se fait. J'ai même pas fait gaffe. Capturer. Je me souviens plus. Qui est un petit peu le social trade des Mandaloriens, lui et son clan, hein, parce que c'est des mecs qui sont complètement. Oui, c'est Gar Saxon, oui, qui sont complètement alliés à Maul. Et qu'on retrouve son après. Son frère est encore pire, hein. Son frère, il est vraiment à fond pour l'Empire. Hein. Enfin, ouais, mais c'est pas encore l'Empire, là. Oui, enfin... Non, mais c'est en fait, c'est celui qu'on voit, le blondinet dans cet arc-là, c'est Gar Saxon qui devient après le collabo de l'Empire dans Rebels. Oui, je sais, c'est ce que je disais, mais je disais son frère en plus, après quand il prend sa suite est encore pire. Ah oui, ça, oui après, d'accord, oui après c'est encore pire. Oui, mais ça c'est rebelle. Alors ça, juste en passant, rebelle. C'est rigolo de voir qu'on a une espèce de Dark Sabine à un moment donné. Parmi les Mandaloriens, il y a une Mandalorienne qui a une coupe de cheveux, enfin cheveux courts un petit peu dans l'esprit de Sabine, avec par contre elle c'est noir quoi, c'est trop dark. C'était assez rigolo de voir ça. Ça m'a fait en parlant de Sabine et de cheveux noirs, justement, dans le troisième épisode, au début, donc Maul, il est dans une espèce de caisson de confinement que les Mandaloriens avaient pour emprisonner en fait les utilisateurs de la Force. Ils disent que c'est le tout dernier machin truc et tout. Et quand Bo-Katan explique ça à Ahsoka, derrière elle, on peut voir la maman de Sabine. Oui, d'ailleurs, que dès le début de cet arc, enfin de l'attaque de Mandalore, on la voit et on l'évoque. Le clan Vren est du côté de la République, oui. Oui, et du coup, voilà, on peut voir la maman de Sabine aussi, justement, du coup, une nouvelle connexion avec Rebels. Avec les autres trucs qui se sont faits entre-temps, entre l'annulation et le retour. Mais moi, je trouvais ça super intéressant, ce truc de caisson, d'ailleurs, qui neutralise les pouvoirs de la Force. C'est une super idée, ouais, effectivement, c'est assez cool. Je trouve ça ouf. En plus, il continue de ressentir des choses, lui, Oui, mais clairement, ils ont dû l'utiliser un peu pour de la torture aussi. Ça faisait vraiment, vraiment outil, pas ouf, quoi. C'est, à mon avis, c'était pas juste pour du transport. Et c'est rigolo, d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être un leur truc, au Mandalorian, les caissons, parallélépipédiques, comme ça. Dans la série du Mando, il crie, comment ça, il fout les gens dans la carbonite, là, il fout dans un caisson de la même forme, mais bon, cette fois, ils sont pas glacés. Mais pour le coup, c'est comme dit, hein, ce sarcophage, il rappelle beaucoup celui dans lequel se retrouve, Paris-Sophie, dans Rebels. C'est Paris-Sophie ou c'est ça? Non, c'est ça, c'est, Non, c'est, Luminara. Luminara, c'est ça, ah, c'est oui, ça, Padawan, je confonds souvent les noms. Mais ouais, ça ressemble beaucoup, effectivement, à ce sarcophage. Juste pour revenir au moment de la capture de Maul, j'ai pareil, on n'arrête pas de s'extasier sur son acting, mais voilà, quand il est là, qu'il est attaché, là qu'il leur gueule, mais lâchez-moi, laissez-moi crever. Enfin, le mec, il est désespéré, quoi, vraiment, s'il peut pas aller au bout de son plan, moi, j'avais trop plan, pitié pour lui. Il préférait claquer, quoi, et, du désespoir chez Maul, c'est quelque chose aussi à voir, quoi. C'est vraiment prenant, je trouve. Comme tu dis, tu sais que ça va mal. Ouais, c'était trop triste, genre lâchez-le, écoutez-le. Et épisode suivant, du coup, je crois qu'ils vont pour le ramener sur Coruscant. Oui, c'est ça, ils embarquent pour Coruscant avec toute l'ascension, avec toute la moitié de la 501e et puis le petit destroyer et puis ils partent comme ça. Sauf qu'il se passe un truc sur la route. Il y a Rex qui reçoit un petit appel un texto sur un numéro privé. Prends la route 66. itinéraire bis. Et oui, ça y est, l'ordre 66 arrive. C'est un grand moment. Ahsoka, aussi. D'ailleurs, ce qui est très bien, justement, moi, je disais, c'est nul de reprendre directement les trucs des films, mais là, ils mettent en audio. Palpatine, le moment où Palpatine execute order. Non, avant ça, c'est ça, le moment où ils remettent en audio le moment où Mace est sur le point de tuer Sidious et Anakin le tue. Ce qui me fait trop rire. Ils ont remis les extraits audio du film directement, sauf le moment où Anakin il dit What have I done? C'est Matt Lanter qui fait cette réplique là alors qu'elle est dans le film, et ça me fait trop rire parce que c'est une où tout le monde dit qu'il joue mal Hyde. J'ai même pas calé, je t'avouerai. Je me suis dit ça passe. Non mais moi je connais trop bien pour pas avoir remarqué. Et j'aime bien me faire du mal, je l'ai vu 12 fois. Non plus. Mais moi je l'aime bien ce film. Épisode 3 je l'aime bien aussi. Et je les aime bien, la prélogie je l'aime bien. Hein, c'est... Bah, oui. J'aime tous les films sauf le 9. Oui. On en parlera peut-être un autre jour, mais c'est la grande tragédie. Trop tôt pour en parler. Avez-vous déjà entendu parler de la tragédie de... Mais justement, ce que Clone Wars, là, il nous a prouvé encore une fois, c'est que vraiment, tout est toujours réussi, tout est toujours lié, sauf le 9. justement, voilà, donc, Ahsoka ressent tout ça, et justement, comme je disais, Maul, il pouvait ressentir les choses, et Matt l'a dit aussi, il ressent tout ce bazar... Genre lui c'est son pire cauchemar, tu vois, c'est genre le gars il arrête pas de dire aux gens putain il y a un truc horrible qui arrive, et là il est dans la pire position que ça arrive, c'est-à-dire que ses pouvoirs sont neutralisés, il est prisonnier, les gens l'emmènent directement là où il y a Anakin, mais c'est trop tard, du coup le gars c'est genre vraiment son pire cauchemar, c'est... Oh mon dieu non. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté cassant en fait quand il pense avec tout ça, quand il essaye de dire mais regardez ce qui va se passer et tout, et personne l'écoute, et comme tu dis là ça se passe, il peut rien faire, il est attaché et c'est... C'est super, c'est cool. Du coup, voilà, Rex reçoit l'appel. Il a juste le temps de laisser Ahsoka se préparer. Mais il arrive pas à résister quand même. Ouais, il lutte. Il lutte, hein. Il est pas comme Cody qui fait « Ouais, ok, d'accord, c'est bon, pas de soucis. » Lui, Rex, il est tiraillé, quand même. Ouais, c'est pour ça, Cody, c'est un gros bâtard. Cody, Cody est faible d'esprit, c'est tout. Au chiotte, Cody, allez. Au chiotte, Cody. Salaud! Faucon Millenial, le podcast qui déteste ces gros enfoirés de Cody de merde. elle s'enfuit par le toit. Et qu'est-ce qu'elle fait, Ahsoka, direct? Elle va récupérer des droïdes. Ah mais non, c'est après les droïdes. Elle va directement voir Maul, en fait. Oui, oui. Ok, c'est le chaos, ben je libère le chaos. Allez, go. Moi, elle libère Maul, mais c'est dans l'idée de, bah écoute, va faire diversion, s'il te plaît, va t'amuser dans ton coin, démerde-toi, et puis ça me laissera un peu de temps. Moi, au début, le team-up, j'ai cru un petit peu quand même, hein. Je sais pas vous. Ouais, ben moi, je suis même un peu déçu qu'il ait pas eu lieu du tout. Ouais, pareil. Je dois bien vous avouer. Même si ça n'a pas duré longtemps, mais juste le temps de... J'aurais bien aimé un petit team-up entre les deux, là. Ah, ça aurait pu être sympa, mais c'est... Ça aurait eu de la gueule. C'était très, très drôle d'avoir Ahsoka qui est en mode « Allez, gamin, va faire ton truc, va faire ton chaos, et puis moi, je gère mon truc de mon côté. » Et l'autre qui croyait, c'est « Ah, t'es revenu, non, non, casse-toi. » elle refuse même de lui donner un sabre. Ça c'est beau, parce que ça après ça nous permet d'avoir une scène fantastique et j'y reviens après. Enfin, encore une scène de couloir avec un mec du côté obscur qui défonce tout le monde. Je vais le dire maintenant, mais tous ceux qui s'extasiaient sur Rogue One et la scène avec Vador, c'est-à-dire nous. Oui, bien sûr, tout à fait, nous, exactement. Mais rentrez chez vous, les mecs. Remettez votre vie en question, parce que la Maul qui traverse tout le destroyer en défonçant tout le monde sans une arme, ça a une autre gueule. Je trouve ça assez fantastique, c'était vraiment de la gueule. Et l'ingéniosité, les mecs, il y a des trucs qui étaient vachement avec les cloisons qu'il arrache pour planter les gars, pour faire un bouclier, pour les compressions. C'est violent, mais c'est tellement violent. C'est tellement merveilleux. Je veux dire, le mec, il est tellement vénère qu'il arrache les réacteurs de hyperdrive ou le tu veux que je foute le bordel, bouge pas, je vais foutre le bordel. Le mec il était au tout avec ses mains, c'est tout gros qu'il pouvait faire, quoi. Mais il découpe des têtes avec en arrachant un bout de carcasse. Mais oui, c'est ça, il arrache un bout de tôle, il arrache une tôle du couloir et puis il décapite des clones avec. Il y en a un autre, il coupe le bras. Ça va super loin et je trouvais ça il est inexorable, le mec tu peux pas l'arrêter, quoi. Il traverse les couloirs. Personne le touche, c'est trop bien. Si je crois qu'il se fait toucher justement à un moment, mais c'est pas grave. Mais ça le rend juste plus vénère. Oui. Le moment où le vaisseau sort de l'hyperespace parce que il a perdu son hyperdrive et tout, et plan. Il est défoncé. Ouais, elle est magnifique cette scène. Ce plan est fantastique. Vraiment, je me l'ai passé. Je l'ai vu. Je fais oh. Après, j'ai fait retour arrière 10 secondes. Oh. C'est tellement bien. Et pendant qu'il fait ça, il y a Ahsoka qui fait tout un plan avec des droïdes, dont un proto-chopper. Je suis sûr qu'il est joué par Dave Filoni aussi, parce qu'il a exactement la même voix. Je suis sûr que ce plan du Destroyer qui sort de l'hyperdrive, parce que forcément ses réacteurs sont foutus, parce que l'autre il a foutu un zbeul pas possible. Mais je suis sûr que ce plan, c'est un tout petit clin d'œil à l'épisode 8. C'est pas possible de faire un truc aussi beau. Les mecs ils se sont dit, il nous faut un plan. Allez, pas équivalent, mais presque, quoi. Il nous faut un truc marquant et ils ont vraiment, vraiment bien réussi leur coup, quoi. C'est des tops. Et un truc qu'on n'a pas dit juste avant, justement, c'est que juste avant de tirer sur Ahsoka, Rex, il a eu le temps de lui donner un indice et de lui parler de Fives. Fives, c'est un clone, un arc clone aussi, je crois, un clone arc de la même compagnie que Rex, forcément, qui est passé par l'infirmerie Kaminoan et qui se sentait pas bien, il était vraiment, il était pas en forme, je crois, je sais plus le détail exact je brode, hein, clairement, mais il se retrouve sur Kamino, chez les infirmiers, et il se rend compte qu'a priori, le mec, il a quelque chose qui va pas. Donc, on lui cache un petit peu la vérité et tout, on a un super épisode un peu d'enquête, comme ça, un petit peu paranoïaque et tout, presque en huis clos, qui est assez cool, et où il fait son enquête lui-même. Et il découvre qu'il a, en tout cas lui, un implant qui serait apparemment défectueux. Il a un implant qui marcherait pas. Et il sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et cet arc-là amène Five donc à essayer d'alerter Skywalker, je crois, d'autres clones, Rex justement et tout. Et ça débouche sur sa mort, quoi. Il se fait dégommer par un autre clone. Je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs, comment on en vient là, mais c'est vraiment le truc classique du complot où un mec découvre, il sait qu'il a raison, il essaie d'en parler et personne l'écoute et ça se finit mal pour lui. Mais Rex a toujours gardé ça dans un coin de sa mémoire, il l'a pas digéré et il savait qu'il y avait un truc, c'est pour ça qu'il en parle Rex a été mis au courant, mais il n'avait pas plus d'infos que ça. Et il trouve quand même moyen d'en parler à Ahsoka parce qu'il sent que ça, que c'est lié simplement, quoi. Ouais. Et du coup, elle, avec sa petite troupe de droïdes, elle récupère Rex et elle lui. Avant ça, elle cherche des infos sur Files, elle voit tout ça, ce que je viens de raconter, oui. Et elle voit qu'il y a une histoire de puce qui déconne, machin. Elle se dit, bah, on va essayer de choper Rex. Elle va capturer Rex avec l'aide des droïdes, c'est un petit peu cartoonesque, mais bon, c'est normal, c'est Clone Wars, on peut se le permettre. Après tous ces membres et ses têtes coupées, je pense qu'on peut se permettre ça. Où elle récupère Rex et arrive à lui ôter sa puce in extremis avant de se faire dégommer par des clones. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'il est en train de se faire retirer la puce déjà? Qu'est-ce qu'elle raconte, Matt? Qu'est-ce qu'elle raconte pendant qu'il se fait enlever sa puce? Ouais, pour que la force soit avec elle. Oui, excuse-moi, oui, je l'ai relevé parce que en fait j'ai vu l'épisode quoi il y a 2 heures peut-être maximum. elle reprend le mantra qu'on avait dans Rogue One. Comment c'est déjà en français, je ne l'ai plus. Je ne fais qu'un avec la force, la force est avec moi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ouais. I'm with the force is with me. Enfin, c'est le mantra de Chirrut qui est repris et qui lui permet en fait d'entrer, je crois, dans l'esprit du coup de Rex et de trouver entre guillemets où se trouve la puce, en tout cas d'aider le droïde à la trouver, à la localiser pour pouvoir l'enlever quoi. C'est quand même facile, hein. Enfin c'est quand même cool de la force d'un point de vue scénaristique pour expliquer des trucs chelous. Mais ça a toujours été ça dans Star Wars. Mais ça se fait tout le temps, mais c'est pas bien seulement quand ça aide les femmes. N'oublie pas. C'est vrai. Mais là, non, ça, c'est cas, oui, mais là, ça aide une femme qui, en plus, ça lui permet d'aider un homme. Donc, c'est doublement validé. Ah ouais, merde, oui, c'est vrai. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était très cool de remettre, recaser ça dans Star Wars, dans l'univers, encore plus bien avant Rogue One, et de montrer que c'était un petit peu peut-être une technique connue, pas forcément très utilisée, mais un truc qui existait déjà, quoi. Ouais. C'est un chouette clin d'œil. Et du coup, ça marche. Elle arrive à récupérer Rex pour de vrai. Et c'est cool, du coup, après, parce que quand ils se battent contre les clones, il le fait en stun, ce qui ne sert à rien, parce que de toute façon, ils se crachent à la fin. Et oui, mais on a un super discours à ce propos. Pour le coup, là, on a un team-up avec, mais du coup, Ahsoka et Rex plutôt qu'avec Maul, mais ça marche d'enfer. On a parlé de nouveau des super chorégraphies avec Ahsoka qui dévie tous les lasers, mais je crois sans les renvoyer sur les clones, justement. Et comme tu dis, Rex qui stun les clones, ça sert à rien, mais lorsqu'ils arrivent devant le hangar et qu'ils tentent d'ouvrir les portes du hangar, ils se rendent compte que y a la moitié du destroyer qui les attend dans le hangar. Et ils se disent, on va quand même pas tous les buter. Il y a une grosse hésitation là-dessus. Rex, il est vraiment en mode, ils s'en foutent maintenant, ils sont plus eux-mêmes, ils sont là pour te buter, même si on va s'écraser et qu'ils vont mourir aussi, eux, ils veulent te buter, ça leur est égal, quoi. Et Ahsoka dit quand même, bah oui, mais moi, je veux pas être celle qui va les tuer, quoi. Je veux pas, elle arrive à lui, parce qu'en plus pour lui, c'est ses frères, quand même, quelque part, et je sais plus exactement si c'est à ce moment-là, d'ailleurs, mais il dit, la guerre, c'est moche, on voudrait pas qu'elle se produise, mais en même temps, si elle s'était pas produite, nous, les clones, on serait pas là. Il y a tout un dilemme comme ça, et ça, c'est un fil conducteur dans beaucoup d'épisodes de Clone Wars. Ce qui est génial, c'est la condition du clone en elle-même, et c'est cool qu'on ait encore un rappel dans ces derniers épisodes, et c'est pour ça au final qu'ils ne tuent pas ou tuent peu de clones pendant leur fuite, et c'est quand même très cool finalement. Moi, j'ai quand même vachement kiffé leur stratégie. Ils se sont dit, ok, on va essayer de pas les buter, mais on va essayer de pas se battre tout court au début. Et du coup, ils y vont avec une stratégie en mode, les gars, vos ordres, c'est de tuer les Jedi, ok, mais à ce cas, ça fait genre super longtemps que c'est plus un Jedi, parce qu'elle a été virée par les Jedi. Alors déjà, c'est assez comique, en plus, il y a une petite hésitation de tous les clones qui sont là, genre, ah ouais. Attends, c'est vrai, c'est pas con. Ouais, c'est pas con ce qu'il dit, mais en même temps, c'est pas lui-même qui nous a dit tout à l'heure qu'il fallait la buter. Enfin, ouais, c'est ça. C'est assez drôle. Oups, on a oublié de faire le plan, on a tout laissé sur Mandalore. En même temps, ils reviennent d'une grosse bataille, ça peut se comprendre, je suppose. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'ils s'affrontent du coup, enfin ils se battent avec tous ces clones, ils s'approchent de la navette, ils jouent avec les élévateurs qui permettent de faire monter les chasseurs sur le pont pour faire tomber tous les clones d'un coup. Alors j'aime bien, c'est qu'ils veulent pas les buter, par contre leur faire des chutes de 15 mètres, y a pas de problème. Mais grave. Mais t'as Maul pendant ce temps qui est en mode ouais, bah, moi j'en profite. Bon bah j'y vais. C'est ça, c'est que ça se passe pas trop mal et pendant ce temps-là y a quoi, y a Maul qui trace comme un bâtard. Salut, hein. Allez, salut les gars, c'est merci, hein, ciao. Et après, il y a le moment ultra badass de Ahsoka qui voit qu'il va lui piquer la navette, elle fait « Ok, plus de pitié », elle l'attaque comme une ouf. Le mec, il se prend presque un coup de sabre dans la gorge, là, il fait « Oh, calme-toi », il la repousse. Ça chauffe, hein, ça chauffe sec. Malheureusement, il parvient à prendre la navette. Et là, pour le coup, on a un truc qui m'a fait penser un peu à Force Unleashed, mais genre... Vous voyez que ça marche pas, bande de cons, parce qu'on a Ahsoka qui tente de rattraper la navette avec la force, t'as Maul qui se barre, qui a mis les gaz à fond, qui essaie de se tirer. Elle lutte, elle réussit à le retenir, mais on sent qu'elle peut pas, elle sent qu'elle n'y arrivera pas, elle finit par lâcher l'affaire. Elle arrive à l'empêcher de bouger, mais elle arrive pas à ramener la navette vers elle. Elle arrive à l'arrêter, mais pas à la ramener. Puis en plus, derrière, pendant ce temps, t'avais le Rex qui commençait à s'en prendre plein la gueule. Je crois qu'il se fait toucher à l'épaule, donc elle avait aussi autre chose à foutre. Ce passage-là, je pense que c'est pour montrer son... C'est clairement la colère qui fait qu'elle essaye de choper la navette et tout. Et du coup, c'est le côté obscur. Et clairement, elle a tout ce truc où elle est focalisée là-dessus. Et elle fait le choix quand elle voit que son pote est en train de plus tenir et va peut-être mourir. C'est quand il se prend un coup, qu'elle réalise ce qu'elle est en train de faire. C'est quand il se fait toucher à l'épaule et qu'il lui dit je peux pas tenir plus longtemps. Elle lâche pas tout de suite, c'est-à-dire qu'elle respire, elle fait une espèce de méditation courte et là elle relâche tout doucement la force. Comme si elle réalisait un peu qu'elle reprenait le contrôle. Oui, le Maul, il fait bisous, le Maul. Tu sais, c'est exactement ce qu'Anakin a, c'était comment Maul s'est barré et comment on fait pour le retrouver plus tard. Ça, c'est réglé. Maul, fin de tournage. Anakin, son gros problème, c'est qu'il pouvait pas lâcher prise de n'importe quoi. Une fois qu'il était parti, c'était fini. Fallait qu'il tue les hommes des sables derrière pour se calmer parce que sinon il avait l'épisode. Dans l'épisode où Anakin devient Dark Vador, de Clone Wars du coup, et ben t'as Ahsoka, elle qui fait l'inverse et qui accepte de lâcher tout et dire on va trouver autre chose. Oui, et parce qu'en parallèle, il devient Vador, il y a tous les autres événements de l'épisode 3 qui continuent à se dérouler en parallèle. Ça faut pas oublier. Donc c'est un jouet de parallèle du coup justement d'avoir cet épisode. Qui se déroule comme ça. Et d'ailleurs, l'épisode lui montre qu'elle a raison parce qu'il trouve un Y-Wing juste après. Ouais. D'ailleurs, biplace en plus. Oui, c'est parce qu'effectivement, à cette époque-là, ils étaient biplace. On le voit plutôt dans la série. Il est déjà biplace également en jaune, comme je disais juste avant. Et en fait, ça c'est tiré des tout premiers concepts du Y-Wing de Colin Cantwell où il y avait déjà ce dôme transparent pour le copilote, l'artilleur derrière avec la tourelle. Avec le dôme transparent et devant un pilote, il va être fait comme ça à la base. Finalement, ils les ont fait comme on les a connus, mais c'est tiré ça des tout premiers concepts du Y-Wing. J'en avais parlé, je crois déjà dans Faux Construction, dans le premier épisode. N'hésitez pas à regarder ça sur YouTube. Sinon, d'habitude, c'est en stream sur Twitch. Voilà, ça fait ma pub au passage. Voilà. sur la chaîne Twitch de Faucon. Faucon Pod. C'est toujours cool de revoir ce vaisseau, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus, j'ai plein de choses à dire encore. Il y a un peu d'accent. d'action, je veux dire. D'accent. Il y a un peu d'accent raciste parce que c'est Star Wars. Mais elle se met à parler comme ça. Depuis Watteau, ça nous manque les accents racistes quand même. Si vous voulez des accents racistes, faut venir voir le stream de Ximu justement sur l'épisode 1. Toujours sur Twitch, à Spokon Pod. On fait bien notre pub. On fera un épisode 1. Un jour sur les accents racistes dans Star Wars. Techniquement, on l'avait fait sur l'épisode de la représentation, on en parlait beaucoup. Ouais, puis on a déjà fait l'épisode 1 aussi. Il est lui-même bien représentatif du phénomène. Mais pour revenir à l'épisode, donc effectivement, il laisse partir Maul, il descend un peu dans les sous-sols, on va dire, du vaisseau, là où il stocke les vaisseaux qui sont un petit peu en maintenance, il trouve un Y-Wing, on a plein de scènes d'action formidables. Pendant ce temps-là, le destroyer continue de se cracher, puisqu'en fait, il est sorti de l'hyperespace, il est déjà en train de péter de partout, et il est en plus attiré par l'attraction d'une lune, dont il pourra pas se défaire, donc il est parti pour se cracher sur cette lune depuis un bon moment déjà. Donc ça, c'est inéluctable, hein. Tout le monde à bord va clamser. Et forcément, c'est moule, tu vois, tu lui dis, fous le bordel, il fait ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, lui, tu lui dis, tu fous le bordel, il va à fond, hein. Y a plus rien, il reste plus rien après. Et du coup, bah, faut forcément que Ahsoka et Rex tentent de sauver leur cul. Donc ils trouvent ce vaisseau. Alors moi, je voulais juste revenir. Voilà, je sais sur quoi je voulais revenir. J'ai trouvé un truc qui m'a fait mal au cœur, c'est les droïdes. Oui. Les droïdes, j'ai trouvé ça horrible. Il y en a un, il se prend un coup de blaster en pleine tête, il tombe comme une merde. On voit tous les morceaux de métal déchirés et tout. C'est affreux. Et t'as les deux autres qui se font dégommer hors champ à bout portant par au moins 5 cyclones. J'ai trouvé ça super violent en vrai. J'ai trouvé ça putain, c'est que des droïdes, mais déjà c'est chaud quoi. Enfin, ça reste une série entre guillemets pour enfants quand même. Ouais. Je pense, même si voilà, on est des grands enfants. On a découpé. On a vu Maul découper les mecs juste avant. Hein. Oui, voilà, il est coupé les balles. Vraiment toujours on n'en est plus là, mais j'ai trouvé ça un peu raide. Surtout celui-là qui se fait, enfin, les ceux hors champ. Tu te dis, putain, c'est violent, mais s'ils mettent à 4 ou 5 pour dégommer des pauvres droïdes, ils étaient gentils. Mais là, l'autre qui se prend vraiment un coup de blaster en pleine tête, éclaté avec les morceaux de métal partout, tu fais, waouh. En plus, tu vois la réaction d'Ahsoka et. Mais ouais, ouais. Qui est triste aussi, hein. C'était. Il y en a un qui s'enfuit avec eux, non? Non! Ils y passent tous. En plus, c'est con parce que dans les Grey Wing, il y a un emplacement pour mettre un astromech. Mais là, t'en as pas un seul qui survit. Hein. C'est. Ah, ils sont butés sans froid. C'était vraiment. Je croyais qu'il y en avait un qui survit. Mais non, c'est vrai. Après, du coup, il y a que Ahsoka et Rex. Ouais, Ahsoka qui court sur les morceaux de vaisseau qui sont en train de se cracher. Voilà, parce que Rex parvient à se barrer. Et puis après, Ahsoka, elle a pas réussi. Elle tombe littéralement avec le vaisseau. Et on a encore une scène d'action monstrueuse. Là, comme tu dis, elle court sur les morceaux de vaisseau. chute libre, course, enfin voilà, course sur les morceaux de vaisseau qui tombent en même temps qu'elle pour essayer d'attraper le vaisseau. Alors qu'en vrai, Rex, il aurait mis un coup de frein, c'était bon. Oui, non, mais. L'enfoiré. Comment il la laisse, tu sais, il tend les doigts là, à quelques centimètres de l'endroit où allez, moi, ça me fait penser à ton pote qui veut bien t'emmener quelque part en bagnole, c'est lui qui conduit, tu t'approches de la portière, il avance, il fait 3 mètres. Oh le con, tu te déplaces, t'avances, il refait 3 mètres, putain, arrête tes conneries. Il a déjà fait la même chose. Mais d'ailleurs, il verse une larme au Rex à un moment donné aussi. Quand il oui, elle lui enlève son casque. Parce qu'elle voit quand elle lui enlève son casque, c'était aussi assez poignant. Toujours est-il qu'ils parviennent à s'échapper, à monter dans les Grey Wing tous les deux. Et au lieu de partir, ils restent sur place. Ils attendent que le vaisseau se crache, que le destroyer se crache, et ils reviennent sur les lieux. On comprend pas tout de suite ce qu'ils foutent là. On voit juste Rex avec une espèce de pelle. Au début, je ne voulais pas y croire. Et après, on a ce magnifique plan. Avec magnifique, enfin voilà, façon de parler, hein, mais ce plan où on a le destroyer en fond et devant plein de petits monticules avec des bâtons et des casques. Ça s'appelle des tombes. Voilà. Merci. Je pense que les gens avaient compris, mais ils ont, enfin, lui et Ahsoka ont pris le temps, je pense, d'enterrer tous ceux qu'ils ont pu trouver ou qui étaient encore en état. Et qu'ils ont mis sur leur casque. Avec ce travelling sur les différents, sur tous ces casques qui portent justement toujours le motif en hommage à Ahsoka et le casque de. Et voilà, c'est ça unique tout ce que je suis en train de faire. Comment il s'appelle déjà De quoi l'Arc Trooper Jesse. C'est Jesse. C'est Jesse qu'on voit beaucoup dans cet épisode. Oui, bah oui, parce qu'en fait, on a tous ce travelling sur les casques qui portent encore le motif en hommage à Ahsoka, et on a le casque de Jesse qui avait un peu pris le relais après que Rex soit fait enlever sa puce. Du coup, c'est lui un peu qui gouvernait tout ça, qui était un petit peu à la tête des clones qui voulaient les descendre. Et en plus, c'est le clone qui s'était fait capturer par Maul juste avant et libéré. Donc il a un petit peu une place assez centrale. C'est un clone qu'on a vu aussi souvent dans plein d'épisodes auparavant. Et on a voilà ce traveling qui passe sur les différents casques, et celui de Jesse et Ahsoka qui a trouvé une cape je ne sais pas où, mais qui a trouvé un petit capuchon gris et qui qui leur rend hommage, je sais pas, qui est un petit peu pensif devant tout ça, qui abandonne un de ses sabres devant tout ça. Ouais. C'est beau, c'est triste, et c'est à partir de ce moment-là, je crois que, alors, on en a parlé un petit peu avant, ça a quand même glow up au niveau technique, mais il y a des passages qui sont presque peints, et j'ai l'impression que c'est par moments, surtout pour les moments les plus intenses, les plus importants, on a plus forcément l'impression d'être devant uniquement une série CGI, mais il y a vraiment des textures peintes, même sur les personnages, des effets un petit peu de coups de pinceau, des trucs comme ça. Et c'est encore plus flagrant à partir de ce moment-là. On a l'impression que toute la fin est quasiment fait à base de d'artwork comme ça. Je sais pas si vous avez cette impression-là. C'était assez super, vraiment des décors peints et un effet je sais pas comment dire, brossé, qui était ouf. Voilà, les 30, la dernière minute, c'est magnifique, encore plus que le début, quoi. Enfin, plus que le reste. Les plans sont tous plus beaux les uns que les autres, quoi. La scène de Vador est ultra belle. La scène de Vador, parce que derrière, voilà. Ça m'a surpris aussi, d'ailleurs, parce qu'on a une transition, enfin, une ellipse même, carrément, on peut dire. Ouais. Où on voit des Stormtroopers, une navette lambda d'abord. J'étais là, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont. Ils se sont plantés, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? mon côté gros nerd était là, mais non, ça c'est beaucoup trop tardif comme vaisseau, c'est pas possible. Du coup, je me dis, ouais, ils ont merdé ou quoi? Et après, voilà, on voit des Snowtroopers et tout, je me dis, ah, ok, putain, une ellipse, ok. Et de la neige, bon, pourquoi pas et tout. Et on voit effectivement cette scène de Vador qui vient sur les lieux du crash, qui voit ses casques, ses tombes couvertes de neige, et qui tombe sur le sabre d'Ahsoka. Basiquement, ça veut dire qu'il sait qu'elle a survécu à l'ordre 66 déjà. Ouais. Non. Pour moi, il savait pas justement. Ouais. Pour moi, il le sait. Ça veut dire qu'il sait, c'est ça qu'il l'a dit maintenant. Pour moi, justement, en fait, alors j'ai spoilé un peu Rebels, je suis désolé, mais dans Rebels, quand Vader ressent Ahsoka la première fois, il s'exclame et il dit The Apprentice Lives, en mode étonné. Parce qu'à mon avis, il savait que quand il l'a vue ici, elle était morte. Enfin, il pensait qu'elle était morte à ce moment-là. Sinon, il aurait continué à la chercher, en fait. C'est pas impossible. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'ai compris ça dans l'inverse parce que il voit des tombes, deux clones sur un crash et son sabre. Et il va pas se dire, qui a fait ça, quoi. Ça va pas être d'autres clones qui ont fait ça, ou ça va pas être un mec qui s'est pointé, qui est venu faire ça pour s'occuper. Enfin, bah pourquoi pas. Pour moi, c'est Ahsoka qui a fait ça. Il y a son mal, il y a son sabre. Oui, son sabre, c'est Ahsoka. Donc... Mais pour moi, Vador, à mon avis, ne le sait pas. Je pense que Vador pense qu'elle est morte et que c'est pour ça qu'il la cherche pas après. C'est que là, s'il est ici sur cette planète à ce moment-là, c'est vraiment pour rechercher Ahsoka, en fait. Et après, à mon avis, il abandonne. Il se dit, merde, elle est morte. D'où son étonnement dans Rebels quand il se rend compte qu'elle est en vie. Oui, parce que si tu regardes bien, on voit plus les tombes. On voit un casque sur la neige, mais il reste plus qu'un casque. Il reste qu'un casque. Donc en fait, d'ailleurs... il voit pas ça. Lui, il voit juste un casque et le sabre, donc il pense qu'elle est morte dans le crash. C'est logique. En fait. Oui. Parce que s'il voyait les tombes, il aurait su qu'en fait, elle les avait enterrées et qu'elle avait laissé son sable, mais il voit juste des restes de crash. Il voit pas tout ce qui a été fait. D'ailleurs, juste par rapport à ce plan final, où en fait il y a un gros plan sur le visage de Vader, et en fait il y a. Comment ? Il y a il me semble qu'à travers son œil, on voit un reflet du casque de Stormtrooper. Et là, de Clone Trooper, pardon. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, ce plan-là résume. Entièrement. Non, c'est l'inverse, du coup. C'est l'inverse, ouais. C'est l'inverse. C'est quand il s'en va. Ah, c'est l'inverse. Okay, il y a un plan sur le casque de Trooper et tu vois la silhouette de Vador qui s'en va dans le casque. Voilà, ouais. Et en fait, ça résume complètement la série. Le but de la série, c'était quoi? C'était de montrer que cette putain de guerre des clones, elle a amené à la pire chose pour tout le monde. Pour Anakin Skywalker, pour l'Ordre Jedi, mais aussi et surtout pour la population de la galaxie qui, maintenant, vit une putain de tyrannie. Et du coup, ce qui est extraordinaire avec ce plan, c'est que à travers, littéralement, à travers les yeux du casque de clone, à travers les yeux du clone, est née, en fait, la pire chose qui pouvait se passer. Et c'est ça qui est incroyable dans ce plan, c'est que Et ça résume entièrement la série. La guerre, c'est de la merde. Et surtout, mais vraiment. Hein. Et surtout, dans le l'épisode 3 de le film, quand tu vois Dark Vador, tu vois tout le process, tu vois Anakin se transformer, etc. Alors que dans cet épisode-là, la dernière fois que tu vois Anakin, c'est quand il est avec avec Ahsoka et qui, c'est quand il lui donne ses sabres. Et quand tu le revois, c'est en Vador et il trouve le sabre et ça fait. Enfin, moi, je pouvais pas m'empêcher de visualiser Anakin sous l'armure et d'essayer de me dire ce qu'il devait être en train de penser à ce moment-là. Parce que ça fait vraiment très, ça fait vraiment une sorte de choc de voir la. T'as pas de transition, tu vois, comme dans. Tu peux pas t'empêcher de le voir aussi parce qu'ils ont pris soin de lui remettre des lentilles rouges. Comme dans l'épisode 4, comme dans Rebels, on a fait ça aussi. Et à travers la lentille, on voit les yeux d'Anakin brûler derrière. On le voit à travers. Et juste pour lui laisser, je pense, juste ce qu'il fallait encore d'humanité à ce moment-là, entre guillemets, pour que ça marche, quoi, justement. Pour faire le parallèle avec le Anakin qu'on a vu précédemment. Et en fait, tous les plans de la fin sont superbes, quoi. Et le plan de vue du dessus quand Vador arrive dans la neige et tout, moi ça m'a fait beaucoup penser à Krayt dans The Last Jedi quand Kylo arrive avec le plan vu du dessus où il est suivi par les... Qui était en plus un écho à l'épisode 3, justement. C'est beau. C'est des vrais rimes, ça. C'est des rimes dans des rimes dans des rimes. C'est des rimes qui marchent, mais c'est des rimes à... C'est rime pas forcé en fait. Simplement, l'histoire rime, une histoire rime, mais peu rimer, mais si tu forces le trait, si tu vas à tout prix faire de la rime pour de la rime, c'est là que ça devient de la merde. Et ça a du sens pour les personnages qui sont dans la scène. Oui, parce qu'ils ont tout perdu à ce moment-là, Kylo, et quand Kylo il se baisse pour ramasser les dés et tout, il se rend compte qu'il a absolument tout perdu, et que même les dés qui lui restent dans la main, ils disparaissent, et là, Vador, il a perdu sa femme, il a perdu son maître, il a perdu tout, et du coup, il devait peut-être penser qu'il avait encore son apprenti, et le fait de c'est trouver ça. Son c'est sabre, ce que je pense il sait qu'il l'a perdu son apprenti aussi. Et justement, j'allais vous emmener là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il est recherché pour la tuer, pour l'aide à tuer Sidious, pour qu'elle le rejoigne un peu comme il espérait faire avec Luke aussi à un moment donné? Est-ce que lui-même savait vraiment pourquoi il la recherchait? Ouais. Je pense en tout cas, c'est pas pour la tuer, j'en suis certain. Non, c'est j'en sûr, je pense certain. Qu'il l'avait juste... Il est attaché aux gens, même si c'est pas de l'amitié ou des trucs comme ça. Il a vraiment ce besoin de rechercher les gens avec qui il est connecté. C'est la seule personne qui aurait pu lui rester, en fait. Ouais, exactement. Je veux dire, c'est un peu sa fille, quand même, hein. Ah oui, mais clairement, c'est sa fille avant Leia, en fait, presque, parce que clairement. Est-ce que Leia, ça a déjà été sa fille un jour? Ça, c'est une grosse question ça, aussi. Pour moi, à part le sang, il n'y a rien à voir entre Luke, Leia et Vador. On peut pas dire quoi que ce soit. Mais voilà, enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, il l'aurait jamais tué. Il l'aurait jamais pu la tuer. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça. Que spoil de Rebels. Non, mais c'est pour ça que saison 2, effectivement, elle n'y passe pas. Oui. Vous êtes sûr que c'est pas juste Filoni qui arrive pas à la tuer? Si, bien sûr. Non, mais en vrai, oui, aussi. Et du coup, on a fini la saison 7 de Clone Wars. Merci. Non, mais pour dire aussi. Non, parce qu'on tourne en rond. Peut-être pas tout de suite, parce que je voulais vous poser quelques questions, mais c'est fini et c'était vachement bien dans l'ensemble. Je sais pas vous. Ah, oh, si. Mm-hmm. Enfin, on n'a pas regardé en entier, mais franchement, la fin était excellente. Moi et Adrien, on l'a vu du coup en entière. Nous, on va finir. Honnêtement, le Bad Batch, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est fun, voilà. C'était très demandé, ils l'ont fait. L'arc avec les sœurs Martez, je sais pas, voilà, s'il était indispensable ou du moins s'il avait besoin d'être si long, perso. Mais le dernier arc, s'il fallait faire que ça, ils auraient pu faire que ça, ça aurait suffi, quoi. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien. Ouais, si t'as raison. Même si en vrai, je sais pas si les gens qui écoutent le savent, mais moi j'ai beaucoup passé de temps à trash talk un petit peu The Clone Wars en disant de toute façon c'est rempli de fillers et ça pue un peu la merde comme série, et genre en gros genre vraiment j'étais un peu sec avec cette série. Entre les culs en fait. Mais d'ouf, mais vraiment on peut le dire, genre vraiment j'accepte. Et en fin de compte, genre moi j'étais pas, et pourtant j'ai tout vu hein, vraiment j'aime beaucoup la série, mais en même temps bah j'étais un peu là en mode mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tous ces clones qu'on reverra plus, et que moi je voulais vraiment une histoire concrète en fait. Mmh. Et l'histoire concrète bah je l'ai eu littéralement dans cette saison qui en fait met tout le reste de la série en deçà encore plus qu'elle l'était avant. C'est vraiment que là la dernière saison elle est magistrale. Bah, elle résonne avec la grande histoire aussi, c'est-à-dire que c'est ouais. En fait Clone Wars globalement, parce qu'il y a des épisodes que je peux pas défendre même moi ou alors très difficilement, mais globalement c'est des chroniques de la guerre, c'est tel machin ouais. s'est passé à tel moment de la guerre, tel truc ici, on te fait 4-5 épisodes dessus. À part quelques arcs un petit peu plus méta, comme avec le père et enfin le père la fille, je sais plus quoi là, tout le merdier de la force, qui est intéressant. Hein, je dis pas ça péjorativement, mais j'ai plus les noms en tête. À part quelques épisodes un peu méta comme ça, globalement c'est les chroniques de ce qui se passe. Là, on raccorde avec la grande histoire, avec l'épisode 3, forcément, ça prend tout de suite beaucoup plus d'enjeux, quoi. Et surtout, c'est bien foutu, quoi. Et intégrer les passages de l'épisode 3 dans le final pour voir comment c'est ressenti du point de vue de Maul et Ahsoka, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment ultra bien. C'était une super idée, effectivement, ouais. C'est vraiment une super idée. Mais du coup, Adrien, toi, t'avais des attentes qui n'ont pas été comblées pour cette saison? Enfin, t'aurais voulu voir des conclusions pour certains persos que t'as pas eu ou... Moi, j'avoue que j'aurais adoré, ça c'est parce que c'est un petit peu mon côté haters de Cody, mais j'aurais adoré voir Rex combattre Cody. Oui, mais c'est pas possible, t'es pas au même endroit au même temps. Bien sûr, mais je me suis dit, peut-être qu'ils vont se retrouver à un moment, je sais pas. Mais ouais, moi j'aurais peut-être aimé que ça se poursuive un peu plus longtemps pendant justement l'an 66. Mais en fin de compte, c'est vraiment bien. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand partisan de cette série. Et pour autant, mais j'ai vraiment été sur le cul du début à la fin. Le début, c'est littéralement un film de guerre hein, en 3 épisodes. Il y a Rambo. Très bon film de guerre en plus. Ah oui, le premier, c'est un actionneur américain des années 80. C'est un Expandables Star Wars, hein, clairement, le premier. Ouais, mais c'est vraiment bien filmé parce que vraiment, t'as des plans, mais qui sont super beaux. Et ça ne m'était pas arrivé dans les séries Star Wars avant. Et pourtant, j'adore Rebels, hein, mais devant Rebels, je me suis pas dit, waouh, ce plan-là, il est Rebels, super beau. Pas dans Rebels a des plans magnifiques, mais c'est pas du tout le même esprit. Oui. C'est pas aussi cinématographique, en fait. Non, Rebels, tu vas faire des arrêts sur image parfois et tu vas dire, oh putain, on dirait un concept art de Ralph McQuarrie. C'est aussi beau que ça. Oui. C'est vraiment des paysages, c'est des plans, ou alors, c'est des fonds d'écran, en fait. c'est con, mais c'est un peu ça. C'est un autre esprit, mais là, ouais, vraiment, il y a des choses impressionnantes. J'ai un petit regret, même s'il y a eu un super bouquin dessus pour conclure tout ça, c'est qu'on n'a pas revu 23. Ouais. Que j'aimais beaucoup comme personnage. Pareil, c'est un personnage qui, au début, avait pas beaucoup de texture. Un peu comme Maul, et qui a fini par s'étoffer. Ils ont essayé d'en faire quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Et j'aurais bien aimé au moins la revoir un peu dans ce final. Même si ça fait juste, ça aurait fait peut-être doublon avec le bouquin, mais ou alors ça aurait pu faire préquel au bouquin de son apprenti, mais j'aurais bien aimé la revoir simplement. En fait, elle méritait de finir dans cette série. Ventress. Le bouquin Son apprenti, je crois qu'il était c'est basé sur des scénars. Ouais, à la base, ça devait être des scénars de Clone Wars, ouais. Je crois que c'était d'ailleurs écrit par la fille de Lucas, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas son prénom. Ouf, faut que je lise ça. Mais non, Son apprenti, vraiment, il est bon. Hein. En plus, c'est un bon livre, il paraît. C'est un de ceux que je recommande. Clairement, comme bouquin Star Wars, je le recommande chaudement. En plus, il y a Quinlan Vos dedans. C'est très chouette. Mais voilà, j'aurais bien aimé la revoir, mais ça, c'est peut-être plus pour mon côté fanboy. Voilà, j'aime bien le personnage. J'aurais voulu le revoir. Avec des cheveux, même, peut-être. Ça aurait été cool. Non, ça lui va tellement bien, la tête comme ça. Ouais, mais ils ont fait un... je sais plus sur quelles illustrations, ils ont fait un side cut, ça marche d'enfer. Mais c'est pas... Elle est pas dans l'épisode 1 aussi, avec un... juste non, les... c'est que pas elle. Non, c'est pas elle, c'est une autre ça, encore. Je sais plus qui, là, avec son antenne dégueulasse dans la tête. Vous parlez de Racing? Ouais. Ah, qui se fait tuer par... comment il s'appelle? Le gars dans Solo... Ah oui, le mec dans Solo, Beckett, voilà. Tobias Beckett, alors attention, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, il l'a poussé. c'est ce qu'ils racontent et c'est... On a que leur version. Hein. Oui. On a que leur version, mais voilà. Ben, non, tu, c'est, effectivement, c'est pas le même personnage, mais j'aurais bien voulu la revoir, sinon, effectivement, Von Tress, et j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Sur les 12 épisodes, finalement, il y en a 4 qui sont absolument mémorables, le reste est un petit peu dispensable. Même si ça reste ouais, cool. Ça fait un peu prétexte. Bah, je sais pas s'ils avaient beaucoup plus de matos à utiliser pour conclure. Qu'est-ce qu'ils, avec quoi ils voulaient finir, mais on sent bien que le deuxième arc, il est là pour introduire le retour d'Asoka dans le game. Juste ça, mais 4 épisodes, ça fait beaucoup cher payer. Et le premier, c'était parce que le Bad Batch, bah, tous les fans voulaient le Bad Batch, alors on leur a filé le Bad Batch. Quoi. Mais... C'est quand même vachement ironique que dans le Bad Batch, là, quand il veut sauver Echo et que tout le monde lui dit ouais mais non il est mort, t'as Anakin qui lui fait tu sais peut-être qu'il faudra que tu te prépares à si jamais il est vraiment mort il faudra que tu sois prêt et que tu l'acceptes, genre c'est toi qui dis ça. c'est très drôle oui. Puis mais justement aussi il y a un petit côté il y a encore de l'humain en lui quand ils récupèrent Echo, ils se disent ouais, moi, c'est plus qu'une machine parce qu'il sert basiquement de ça, hein, il sert juste de base de données plus ou moins ou de cerveau pour les stratégies de l'Empire, enfin de qu'est-ce que je raconte des séparatistes, mais il y a quand même ce parallèle que tu peux faire aussi quelque part un petit peu avec Vador quoi. Non, je disais j'ai un super truc pour la fin. Okay. D'accord. Et juste pour finir avec Echo, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a pas dit, je crois, mais c'est qu'il rejoint aussi, ben, justement, le Bad Batch, parce qu'il se sent trop différent finalement des clones. Il se sent plus comme un, il se sent plus vraiment comme un clone. Echo. Il se sent plus à sa place avec eux finalement. Quoi. Et tout ça pour rien, parce que de toute façon, ils vont tous crever. Juste. Mais non, moi j'espère qu'ils survivent à l'ordre 66. Mais justement, est-ce que eux et mais est-ce qu'ils ont un plan eux? Bah tous les je pense clones, que hein. Oui, mais à mon avis ils vont trouver un moyen d'enlever, enfin moi ça me rendrait triste qu'ils crèvent alors qu'on vient de les avoir quoi. Bah c'est le souci de Clone Wars. Oui, c'est ça le justement, problème justement en fait, c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec la série de manière générale hein, parce que je sais comment tout le monde va finir. Mais en fait oui. Même avec l'épisode 9 et là avec Clone Wars ça a vraiment entériné le fait que Star Wars c'est tragique. Tout le monde va mourir et personne ne sera jamais heureux. C'est Star Wars, bienvenue. Sauf DJ, lui s'en fout, il vit sa vie. Ouais, donc il faut être un connard. Mais tout si monde, tu oui, veux, mais tout le monde s'en fout de DJ aussi, donc tout va bien. Je me demandais juste, oui, aussi par contre, j'aurais bien aimé, même si ça a été juste quelques indices, comment les autres clones ont retiré leur implant. Parce qu'on a Rex. D'ailleurs, c'est cool que ça soit Ahsoka, je trouve, qui lui permette de le perdre. Mais dans Rebels, spoiler, on retrouve Rex, mais aussi d'autres clones. On a Wolf et Trevor, je crois. Gregor. Gregor. Je sais pas comment ils ont perdu leur implant, mais je crois. C'est pas Rex qui leur a enlevé ? Je pense que si, après. Un peu plus tard, oui, c'est compliqué, hein. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais GG à lui dans ce cas. Zut. Mais il me semble qu'ils en discutent qu'après qu'il y ait eu l'ordre 66 et tout, eux, ils ont été un peu relégués à un peu des tafs un peu partout aux usines, un truc comme ça, et puis jusqu'à ce qu'on leur dise « Bon, vous êtes plus nécessaires, prenez votre retraite. » Et j'imagine qu'ils ont enlevé leur puce quand ils ont pris leur retraite et qu'ils ont rencontré Rex, probablement. En vous tout cas, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de détails à ce sujet. J'aurais bien aimé une petite explication. Ça n'avait pas trop sa place là-dedans, je pense. Le mystère, c'est bien aussi. Hein? Vu comment ça se finit, je vois mal comment ils auraient pu intégrer ça, parce qu'il aurait fallu faire tout un autre épisode dessus. Donc, Bah, on aurait pu avoir un arc... Il y avait de la place pour un autre arc. Hein. Enfin, oui, mais ça serait ça. Ça veut dire qu'il aurait fallu l'intégrer entre après le crash d'Ahsoka et avant le moment où... Vador trouve le truc, ou alors après ça, et du coup, ça aurait un peu gâché ce final-là. Ah oui, ça aurait, le final, il aurait fallu qu'il se termine comme ça, mais ouais, peut-être l'enlever avant, ou je sais pas, mais. Mais ça suffit. Et ça mais laisse aussi la possibilité de faire une autre série, mystère, ou et ça laisse d'autres trucs la place comme ça. Pour d'autres histoires, donc c'est pas plus mal. Oui, voilà, c'est ça, ils peuvent très bien raconter ça dans autre chose. En tout cas, c'était vachement bien, cette saison 7. Et cette fin de saison 7, surtout. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bah du coup, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Twitter @FauconPod, sur Facebook FauconMillennial, sur le site internet FauconPod. Attends merde, je sais pas. FauconPod.fr. Qui est fait par Matt et tout, c'est trop bien. Retrouvez-nous sur Twitch, on fait des lives dessus. Il nous faut de l'argent. Ouais, on fait des lives de Fallen Order, de la menace fantôme aussi parce qu'on est un petit peu maso, et des lives avec des Lego en ce moment. Ouais. Vous pouvez aussi découvrir, si vous l'avez pas encore fait, faut qu'on en parle, la nouvelle émission qui parle de news en fait, qui est dirigée par Adrien. Comme ça, ça me fait des vacances, même si c'est moi qui dois faire le montage quand même. J'essaye. Et on se retrouvera bientôt. Cette année, on va essayer de parler de des trois séries animées principales Star Wars. Et du coup là c'était Clone Wars, la saison 7 de Clone Wars, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Execute Order 69. Et que la force soit avec vous. Ciao, salut. Bye. Ciao.